de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Oui, bonsoir notre frère. Bon appétit à la sœur Reine. Bonsoir tout le monde. Bon, merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à la sœur Ami. Bonsoir à la sœur Ami. C'est chaud aujourd'hui là, chacun boit l'eau. Il y a un qui en a la tasse de café, l'autre qui a un peu la tarte là. La sœur, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Franchement, je viens de rentrer. J'ai juste eu le temps de faire des œufs vite fait. Et tu as dit que comme c'est souvent, le frère Junior est souvent en retard. Maintenant, j'ai appelé à l'heure pile, quoi, n'est-ce pas? Ouais, j'ai pas de pile. Même pas une minute de retard. 10 minutes, quoi. Même pas une minute de retard. Le frère Trabi, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Belgique dans la sainteté, tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, je suis très d'accord. Amen, amen. Comment a été votre journée, votre semaine déjà et votre journée? Le frère Trabi d'abord. Oui. En tout cas, ça va. La semaine se passe bien. Ouais. La semaine se passe bien. Tu as bien débuté. C'est bon, ça va. La grâce de Dieu. Amen. Et notre sœur Ami, bonsoir. Ami avocat, bonsoir. Allô? On te reçoit 5 sur 5. Bonsoir. J'ai un problème. Tu nous entends? Oui, maintenant je vous entends. Oui. Comment tu vas, ma sœur? Bien, par la grâce de Dieu, merci. Et oui. Vous? Voyons, je vais très bien. Essoufflé, mais le Seigneur est vivant. Amen. Tu as pris un peu de café? Bonsoir, Sarène. Oui, ça va. Bonsoir, ma sœur. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça va. Madame Trabi est fatiguée aujourd'hui ou bien elle arrive? Elle est là, elle arrive. La sœur, comment était ton travail aujourd'hui? C'était là. Aujourd'hui, c'était un peu calme. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. On a passé d'excellents moments la dernière fois, non? Vraiment? Ouais. On vous fait ça encore. Chaque fois. On vous fait mon moment encore. Bon appétit encore, que le Seigneur te bénisse. Prends de l'énergie. Ah, c'est Josué qui est derrière Josué. Oui, ça c'est Josué. Josué dit bonsoir à dit Belgique dans la sainteté. À haute voix, Belgique dans la sainteté. Ça c'est pas Jésus, c'est pas Jésus fils de Noun, c'est Jésus fils de Junior. Voilà. Ils sont forts, hein. C'est Belgique dans la sainteté. Allons-y. Belgique dans la sainteté. Voilà. Dis Belgique, vivons dans la sainteté. Voilà. Dis bonsoir alors à tes frères et à tes soeurs. Amen. Bonsoir. Bonsoir. C'est la soeur Anne là-bas. Ma belle. C'est la soeur Anne là-bas. Ça va? Oui, la soeur Anne là-bas. Là. La reine, oui. Et là, c'est le frère Trabi là-bas. Le frère Tra. Voilà. Et la soeur Ami. Elle... Il faut bien me voir. Hein. On va se voir physiquement voilà. L'un de ces jours. Voilà. Dieu voulant. Ils vont venir ici au Cameroun, d'accord? Tu vas aller préparer le ndolé, n'est-ce pas, Madeleine? Le ndolé. Dis-le alors. Dis-le alors, dis-le. Je vais vous préparer le ndolé. Je veux le mbogo tchobi. Fred Rabi, où est-ce que tu as appris le mbogo tchobi? En fait, j'ai écouté ça dans un enseignement. Eh bien, de toute façon, la soeur Ami va en manger un de ces jours avant vous, je suis sûr. N'est-ce pas, la soeur Ami? Dieu fait grâce. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ce moment-ci, c'est le moment précieux pour nous. N'est-ce pas? Amen. Mmh. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Ouais. La soeur Suzanne Claudon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom tout le monde. Oui, comment va Gabi et Alexia? Comment ils vont? Ils vont bien par la grâce de Dieu. Et tu viens de les coucher là. Oui, et leur papa? Ah, il va bien, il n'est toujours pas rentré. Mm-hmm. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, amen. La grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, mon frère. Est-ce qu'on peut prier alors? Le frère Trabi allait chercher sa femme. On va prier. Excusez-moi, je reviens dans quelques instants. À tout à l'heure. Frère Félicité, Félix, Fidèle, oui. Tu m'as parlé d'un t-shirt noir. Oui. Est-ce que tu pourrais me le montrer, s'il te plaît, parce que je vois pas. Bon, après, non? Après, oui, c'est pas si urgent, hein. Oui. Mm-hmm. Parce que de penser comme ça, je vois pas très bien, mais. La soeur Suzanne Claudin est rentrée. La soeur Suzanne Claudin est rentrée. Suzanne Claudin nous rejoint dans quelques minutes. Tant qu'on patiente, n'est-ce pas? On peut prier. Elle va nous y retrouver. D'accord, frère? Ouais. Tant de Père, nous sommes encore réunis devant toi aujourd'hui, devant cette assemblée maintenant. Père de gloire, merci de nous avoir permis d'honorer ce rendez-vous encore avec toi, pour sonder ta parole, pour écouter de toi, et pour savoir ce que maintenant donne à tous ceux qui nous écoutent, Père de gloire, la même chose. Donne-nous, Dieu de gloire, de grandir dans ta connaissance et de comprendre également, Dieu de gloire, que dans ce monde, tout est éphémère et passager. Donne-nous de comprendre, Dieu de gloire, que notre vie n'est que la vie d'une herbe qui pousse et qui bientôt se dessèche pour quitter la scène. Donne-nous de comprendre donc de joindre l'utile à l'agréable et de comprendre que nous devons nous atteler à faire des choses pour notre âme et pour la vie éternelle. J'ai prié au Dieu de gloire que tu nous sanctifies encore ce soir et que tous ceux qui sont là en Belgique, Père de gloire, vivent dans la sainteté pour ta gloire. Tous ceux dont là que tu t'es acquis par ton propre sang. J'ai prié au Dieu de gloire que tu nous donnes de comprendre l'importance de demeurer dans ta présence en ce temps de perversité, des doutes et de l'angoisse dans les nations, car tu as dit, il y aura tellement des angoisses dans les nations, ils ne savent pas ce qui va advenir de la terre. Ils sont réunis, ça et là, Père de gloire, parlant, ô Dieu de gloire, des réchauffements climatiques, ne sachant pas que ce sont des choses, ô Dieu, que tu as prévues dans ta parole et que tu les fais varier selon ta saison, selon ton destin et selon ton plan à toi. Père, ils sont réunis, Père de gloire, pour parler de paix et de sécurité. Partout, ô Dieu de gloire, dans le monde entier, cherchant la paix et en rejetant le prince de paix. Ne sachant pas, ô Dieu de gloire, que tu as préparé ces choses de loin et qu'elles vont s'accomplir en leur destin, en leur temps. Car tu as dit, au moment où les hommes crieront paix et sécurité, une ruine soudain leur viendra. Seigneur, ils cherchent la paix avec Lucifer alors qu'ils devraient avoir la paix avec toi, avec le Fils Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce moment, Père de gloire, où tout bouillonne dans les cieux, tout bouillonne sous la terre, tout bouillonne dans la terre, Père de gloire, donne à tes enfants de te chercher avec sainteté, de savoir, ô Dieu de gloire, qu'ils doivent rechercher un cœur pur, de savoir, ô Dieu de gloire, qu'ils doivent marcher dans la sainteté, être prêts et lever la tête pour voir, ô Dieu de gloire, et être prêts à tout appel qui viendra des cieux, de la part de notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Je prie que tu nous donnes de comprendre effectivement, Père de gloire, que le temps que nous vivons est un temps dont la Bible appelle les jours sont mauvais, qu'on rachète le temps. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'éliminer dans nos vies les distractions et les futilités pour te servir en toute honnêteté, toute droiture, dans l'intégrité et dans la sainteté irréprochable, car c'est pour cela que tu nous as appelés. En cette dernière heure, Père de gloire de cette terre, je prie, Dieu de gloire, que tu donnes à tes aigles sur cette terre de marcher de façon irréprochable devant de toi, d'accomplir de grandes œuvres par toi, ô Dieu de gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Tout ce que nous allons sortir, Père de gloire, de nos cœurs, serve à ta gloire et pour ta gloire seule. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu Amen. Vous bénisse. Des Amen. Jours à la fois sombres et glorieuses arrivent pour la terre. Des jours à la fois sombres et glorieuses. La sœur Félicité, Trabi, bonsoir. Bonsoir, mon précieux frère. Content de te voir ce soir. Je vais très bien. Et toi-même? Ça va par la grâce du Seigneur. La sœur Clodon, est-ce que la sœur Clodon est déjà rentrée? Est déjà là présente? Oui, je suis là. Voilà, que Dieu te bénisse. J'ai raté la prière, mais ça va. Non, tu n'as pas raté la prière. On a prié pour tous ceux qui sont en Belgique. On a prié pour tous ceux qui invoquent ton nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Gloire à Dieu. Voilà. Soyez bénis. Amen. Est-ce que nous comprenons l'importance de ce thème Belgique dans la sainteté? Oui. Nous le comprenons. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne me souviens même plus de ce qu'on a parlé la dernière fois. Je ne sais pas s'il y a un sujet où nous avons laissé en suspens ou quoi que ce soit. Je suis à votre service de toutes les façons. J'ai mon âme là déposée, prêt à tirer. Prêt à tirer. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Ah ben voilà, nous avons parlé, Dieu nous a conduit dans les témoignages, je crois très bien. Et nous avons vu l'histoire, nous avons lu l'histoire des deux fils, l'un à qui une chose est dite et il part, il refuse, il part, la suite il se repent, il part, et l'autre, il dit qu'il va partir, il ne part pas. Bon, ça c'est terrible. Ouais. Voilà, je suis à votre service, qu'est-ce que vous voulez qu'on voit ce soir? Avez-vous des questions, des préoccupations, des sujets? Souvenez-vous également, si vous avez des sujets difficiles dont vous voulez que nous prions, nous pourrons prendre un temps de prière là-dessus et soumettre cela devant le Seigneur. Selon qu'il a dit dans la Bible, que dans tous nos besoins, qu'on fasse connaître ces besoins-là au Seigneur. Quel qu'en soit le cas, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Souvenez-vous de ça. Amen. Mmh. D'accord. Et souvenez-vous encore qu'avec notre Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Faisons-lui seulement confiance et voyons-le à l'œuvre. Amen. Des questions? Moi, j'ai une liste de questions. Donc, voilà. Prenons d'abord du côté des amis. La sœur Amie, as-tu des questions? Avant d'écouter les enseignements des femmes, ainsi de suite, n'as-tu pas des questions? Si, j'avais une question qui me préoccupait dans la parole. Je ne sais pas très bien dire quel chapitre ou quel verset. Donc, il fallait que je tape le ventre assez fort avant que tu saches que tu as des questions ou que tu puisses les faire. Mais oui, c'est juste pour demander à. Dans la parole, il est écrit que celui à qui on donnera beaucoup, le Seigneur réclamera beaucoup, et à celui qu'on donnera peu, il sera réclamé peu. Ça veut dire quoi? J'ai pas. Ça me préoccupe un peu. Alors, c'est dans le livre de Luc chapitre 12. Alors, dans Luc chapitre 12. On y va. Lisons le verset 35 jusqu'au verset 48. Qui va lire? La sœur, tu vas lire? Oui. Alors, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillants. Veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui qui, à qui l'on a beaucoup confié. Voilà. Que Dieu te bénisse, ma chère sœur. Amen. Ma sœur, je crois qu'on a déjà retrouvé le passage dans lequel ton questionnement s'est retrouvé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. J'ai donné exprès les passages pour que nous lisions, pour comprendre effectivement ce qu'il est en train de dire, avant d'y arriver. À la lecture des passages dont nous avons lu les versets 35 jusqu'à 48, on voit effectivement que le Seigneur est en train de dire plus de responsabilités égale à plus d'exigences, égale à plus d'attentes de la part du Seigneur. Et même, ces principes-là se trouvent dans le monde. Un directeur de l'école n'aura pas la même responsabilité, la même teneur par rapport à un ministre de ces mêmes tutelles-là. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le ministre de l'Éducation nationale, ses responsabilités et l'exigence que la nation attend de lui par rapport à toutes ses responsabilités. Remarquez l'envergure des tâches qu'il a, ou mieux, la feuille de route à lui confier par la haute hiérarchie. Vous voyez effectivement qu'un directeur qui est dans une école sous ce ministère-là n'aura pas les mêmes tâches ni en commun les mêmes exigences qu'on attendra. Parce que l'envergure de sa tâche, de la tâche du ministre, est vaste par rapport à celui du directeur. Et donc le Seigneur dit ici, parce qu'il s'agit des serviteurs, des responsabilités des âmes, et comme on a vu là-bas, les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, ne s'est pas préparé en conséquence, sera battu de plus de coups. Parce qu'il savait distinctement ce qu'on attendait de lui. Vous voyez, saveur dit, c'est pour cela que le Seigneur Jésus, lors de son ministère terrestre, disait par exemple, il dit Chorazim. Il parlait de Chorazim, il parlait de Jérusalem. Il dit Chorazim, et toi Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Il dit que non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits quoi, à Sodome et Gomorrhe, il se serait repenti. Pourquoi? Parce que Sodome n'avait pas vu de signes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il n'avait pas vu de signes, il n'y avait personne pour les prêcher, pour qu'ils se repentent. Or, ceux-ci ont vu le Messie dont tous les prophètes ont parlé, mais ils ont été endurcis. C'est parce que vous comprenez. Donc, vous voyez effectivement, il dit par exemple que il dit, la reine du Midi se lèvera à la fin à la fin et condamnera cette génération. Pourquoi? Parce qu'elle vient de quoi? Elle vient de l'extrémité de la terre pour entendre Salomon. Regardez comment la reine de Saba a quitté effectivement l'Éthiopie là-bas, la couche là-bas, pour marcher pendant des mois pour arriver s'asseoir devant Salomon. Écouter les sentences de Salomon, écouter les proverbes de Salomon. Il dit, heureux les serviteurs, ceux sur qui tu es, heureux ton peuple. Par rapport aux paroles que vous entendez, que ce peuple-là entend, Jésus dit, et ici, il n'y a plus que Salomon. Donc, la reine de Saba avait entendu qu'il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un à qui Dieu a donné une certaine sagesse. Ça, c'était un être à qui Dieu a donné une sagesse. Là, c'était la personne de la sagesse qui était là sur place, les gens négligeaient. Alors, qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, dit? La reine de Saba se lèvera et condamnera cette génération. Parce qu'ils ont beaucoup reçu, mais ils n'en ont rien fait. Alors que eux, elle n'en a pas eu grand-chose au niveau de cette génération. Il dit, au jour de Noé, au jour Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que notre époque. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de grâce pour pouvoir se repentir. Maintenant, que dis-je? L'époque de la Bible où la Bible a été écrite. Prenons un exemple, par exemple, les Thessaloniciens. Quand on lisait la Bible, épître aux Thessaloniciens, aux Colossiens, aux Corinthiens, ils avaient des problèmes. Ils croyaient au Seigneur Jésus. L'apôtre passait de temps en temps pour les renseigner, comme je suis en train de vous parler avec vous maintenant. Après, il va donner l'instruction de bouche à oreille, il quittait. Comment ces gens-là devraient vivre leur foi sans avoir un support sur lequel se reposer chaque fois pour remémorer? Ils n'avaient pas de support d'enregistrement. Ils n'avaient pas de support de lecture. Parce qu'à ce temps-là, les copies n'étaient pas assez fluentes. Il n'y avait pas beaucoup de copies de Bible comme nous avons maintenant. Maintenant, avec la découverte de l'imprimerie, avec le numérique, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, on peut avoir les portables projetés même sur le mur. Au moins, et je voulais dire, la Bible projetée sur le mur, en audio, sur tout genre de support. N'est-ce pas, frère? Amen. Ne C'est ça. pourrais-je pas me tenir maintenant Exactement. devant nous maintenant et dire que ceux des premiers siècles s'élèveront et condamneront notre génération parce qu'ils n'avaient pas de livre pour lire, pour pouvoir méditer. Mais aujourd'hui, nous avons la parole, mais nous négligeons en lisant les magazines qui ne nous conduira que dans la perdition. Donc, chaque génération a ses fautes devant le Seigneur par rapport à cela. Donc, en clair, plus on a l'abondance de la révélation dans notre époque, plus on est astreint à être jugé par rapport à ceux qui n'ont pas eu cette révélation. Voilà. En clair, c'est ça la toutes les questions. Je crois que je ne dois pas être long là-dedans. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire clairement que vous qui écoutez ces choses maintenant dans cette génération perverse, plus vous remplissez vos cœurs d'enseignement, plus vous serez traité plus rigoureusement. Plus Dieu vous attend au tournant en disant, vous avez écouté, vous avez assez mangé. Il y a des gens qui sont dans les pays, des gens qui sont nés dans une famille qui ne peuvent même pas entendre ce que vous entendez. Ils ne sont pas arrivés au niveau de votre connaissance. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire avec vous? C'est pour vous dire, si les autres vivent comme ça, vous vivez ce qui est droit. Parce que eux, on dit ici, il y a deux versets là-bas, verset 46 et verset 47. On dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, ne s'est pas préparé en conséquence, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu, donc, et la Bible déclare, celui qui ne l'ayant pas connu, donc le serviteur qui ne l'ayant pas connu, vous voyez, donc il y a la possibilité que certains serviteurs ne connaissent pas la totale vérité. La totale volonté du maître. Il dit que s'il a fait des choses dignes du châtiment, il sera battu d'un peu de coups. Parce que si lui, ça lui avait été redonné, il comprendrait, il s'arrangerait. Voilà pourquoi Tyr et Sidon sera traité moins rigoureusement. Voilà pourquoi le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité, malgré qu'ils ont fait l'homosexualité, malgré qu'ils ont ils s'est livré dans le pire des vices, ils n'avaient personne pour leur dire que c'est mauvais. Allons-y dans le livre de Jonas. Allons-y. Jonas. Jonas. Le livre du prophète Jonas. Vous y êtes? La sœur, elle, ça va? Oui, je ne sais pas si c'est il y a que moi qui ai un problème, mais ça se coupait en fait. Je sais pas. Oui, ça se coupait aussi chez moi. Je m'excuse. Je m'excuse. Le Seigneur nous donnera une bonne connexion en Afrique. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Les Blancs viendront travailler chez nous. Ils viendront travailler chez nous. Il y a du travail fertile ici. Voilà. Donc, Jonas, vous y êtes? Vous connaissez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. Maintenant, regardez verset chapitre 4. Lisons, frère, le frère lit. Genèse chapitre 4. Oui. Jonas chapitre 4. Oui. Oui. Verset. À partir du verset 1. Ok. Cela de plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais? Quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répond, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. À l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriva dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répond, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croire qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouve plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer la droiture, non, leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Amen. Oui, l'histoire de Jonas, c'est amusant, mais en fait, on va y revenir dans un autre endroit. C'est qui est, le verset 11 nous dit quelque chose, Dieu dit, c'est une ville qui a plus de 120 000 âmes. 120 000 personnes se trouvent dans cette âme-là. La sœur Christiane, bonsoir. Elle y est. Bon, la sœur Christiane n'est pas encore connectée. Alors, dans ce passage, nous voyons effectivement comment Dieu, enfin, le prophète, je ne sais pas comment, un de ces, je vais encore vous parler de ces prophètes-là. Vous voyez comment il discute avec Dieu, jusqu'à ce qu'il se fâche le fait que Dieu ait pardonné les gens. Maintenant, suivez ce que le Seigneur dit dans le verset 11, le dernier verset du chapitre 4, là. Il dit, dans ce verset-là, il dit, et moi, je n'aurais pas, il dit, tu as pitié de ces raisins-là qu'on a fait croître en une nuit et qui a fait périr à ces mêmes nuits-là. Il dit, et moi, je n'aurais pas pitié de cette grande ville-là, grande ville de Ninive, dans laquelle il y a au moins 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer, regarde ce que Dieu dit, distinguer leur droite de leur gauche, soulignez cela, et puis on voit ce qu'il en est. Ça veut dire que, souvenez-vous, depuis le chapitre 1, vous allez voir effectivement que Dieu a envoyé Jonas d'aller prêcher là-bas pour que ces gens se répandent. Voici pourquoi ceux-ci vont se lever, les gens de Ninive vont se lever et condamner. Parce que eux, ils vivaient, remarquez très attentivement ce que la Bible est en train de dire. Ils vivaient, l'expression que Dieu a donné, sans discerner leur gauche de leur droite, ça suppose qu'ils vivaient dans le péché sans savoir qu'ils vivaient dans le péché. Chacun vivait dans l'iniquité, mais il ne faut pas savoir que c'est l'iniquité. Il faut qu'un prédicateur vienne, il leur dit encore 40 jours et Ninive sera détruite. Pourquoi? Parce que vous faites du mal. Mal, ça veut dire quoi? Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire le mal. Dieu dit, ils ne savent pas distinguer leur gauche et leur droite. Souvenez-vous de ceci, c'est une grande ville. C'était une ville portuaire où il y avait la recherche scientifique, où le commerce excellait, où il y avait beaucoup de découvertes. Et puis plus tard, là maintenant, les gens commencent à vivre dans cette ville de débauche. Parce que plus il y a de l'abondance, plus les gens vivent facilement dans la débauche, dans la luxure. Et ils abandonnent leur Dieu à cause de la richesse parce que le Dieu Mammon est entré en scène. Maintenant, Dieu envoie Jonas aller prêcher. Et il leur dit, c'est l'encounter, la rencontre avec le Seigneur qui nous parle bien. Le Seigneur lui dit que ces gens-là ne savent pas distinguer les gauches de leur droite. C'est vrai, on dit que ce n'est pas parce que les gens sont propres en nature, riches en intelligence, remplis de recherches scientifiques, des découvertes, des modernismes. Enfin, l'espérance montre clairement que plus on est moderne dans la modernité, comme vous y êtes partout dans l'Europe et quoi en Occident, l'espérance montre que plus vous êtes dans le modernisme, plus on rejette Dieu, n'est-ce pas? Ça. On peut dire sans risque de se tromper que, par exemple, que l'Europe est à l'exemple des Ninive qui n'essayent pas de distinguer leur gauche de leur droite. C'est ça. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu vous l'a dit ici? Dieu vous l'a dit que les gens vivent dans l'iniquité jusqu'à ce qu'il envoie les gens pour les réveiller. Et maintenant, quand il va envoyer les gens pour les réveiller, regardez la comparaison maintenant que Jésus fait. Jésus dit, les gens de Ninive se réveilleront et condamneront parce qu'ils crurent à la prédication de Jonas. Et ici, il n'y a plus que Jonas. Sous cette comparaison-là, nous voyons effectivement que nous avons besoin de repentance parce que nous faisons beaucoup de choses dont Dieu ne voudra pas. On peut dire sans risque de se tromper que nous, dans notre génération également, nous ne distinguons pas ni le jour ni la nuit. On ne sait pas ce qui est pervers. Sinon, comment comprendre que les gens qui sont intelligents, les gens qui ont beaucoup fréquenté, peuvent penser qu'on puisse accepter à enseigner la masturbation aux enfants nouveau-nés? Comment? Comment au monde? Si ce n'est pas la perversion, si ce n'est pas l'aveuglement au sens propre du terme. Vous voyez effectivement qu'on est effectivement comme Ninive. Donc, notre Seigneur avait raison de dire effectivement que les prédications de Jonas dont on a cru, c'est les gens de ce jour-là vont se lever et condamner notre génération. Parce que en fait, on a tout pour vivre effectivement comme Dieu veut. Toute la connaissance est donnée dans la Bible. Eux, ils disaient, comme je tente de le dire, des extraits des journaux. L'un venait raconter que l'apôtre Paul a dit dans sa prédication ceci. L'apôtre Timothée, enfin, venait dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, l'apôtre Paul dit que c'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. Il vous enseigne, il vous rappellera toutes les manières dont il enseigne dans toutes les églises. Parce que Timothée marchait avec lui constamment, il connaissait ses enseignements. Alors quand il arrive à Corinthe, il dit que ceci, l'apôtre Paul n'enseigne pas. Il enseigne sur le mariage que telle chose. Il dit qu'il vous rappellera. Eux, ils n'avaient pas des supports sur lesquels pouvoir se baser. Nous avons des Genèses jusqu'à Apocalypse, 66 livres. Ah mon Dieu, faisons attention. Alors, à nous, à notre époque de la fin, nous avons tout pour connaître Dieu. On fait tout pour ne pas connaître Dieu, justement. C'est ça. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Parce qu'il a dit, les gens de Ninive se lèveront et condamneront cette génération. Parce qu'ils crurent aux prédications de Jonas, alors qu'ici, il n'y a plus que Jonas. Amen. Amen. C'est compris, Amen. ma chère Amen. Amie, la soeur Amie, ça va? La sœur a mis ta question, c'est que ça va, n'est-ce pas? Ça va, oui, frère, ça va très bien. Oui, j'ai compris. Amen. J'espère que, en fait, j'aurais dû pousser ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça amène, ça enlève les foulards sur les têtes. Mais laissons jusqu'à ce point, c'est bon. Des questions encore? Prenons d'abord les questions de celles qui ne posent pas souvent les questions. La sœur Suzanne Clodon, as-tu des questions? Oui, j'ai des questions. Il faut toujours qu'il Oui, mon demande. frère, je... Il faut toujours qu'il demande. Oui, alors je pose les questions. Ben, moi j'ai toute une liste de questions sur notamment sur Mathieu, parce que je médite sur Mathieu en ce moment. Mais tout d'abord, j'ai une question qui je voulais savoir si nous, en tant que parents, on peut imposer les mains à nos enfants. Pardon? Je voulais savoir si nous, en tant que parents, on peut imposer les mains sur nos enfants. Absolument. Si nous lisons le livre de Genèse au chapitre 26, nous voyons effectivement comment Isaac a imposé les mains pour bénir ses enfants. N'est-ce pas, ma soeur? Ah Donc, vous pouvez imposer les mains. Ah Avant, oui. si toi qui es parent, tu ne transmets pas les bénédictions sur tes enfants, tu attendrais que c'est le maître qui te transmet? Ou bien aller payer D'accord. 200 euros à un pasteur pour qu'il dise pas cha cha cha cha cha cha. D'accord, ok, d'accord. Donc je peux prier, imposer les mains sur mes enfants et prier pour eux alors. Absolument, absolument. D'accord, C'est la meilleure des choses d'accord. que tu puisses les transmettre. Amen, amen. Pas les livres de Tintin, de Zizi et Zizette. Autre question? Ça me rassure. Oh, mais je laisse la parole aux autres. Non, la liste des questions est terminée, alors quoi? Non, j'en ai encore, mais je laisse la parole aux autres quand même. Non, Donc, je crois qu'on va piper question après question de part et d'autre, comme ça, pour faire le tour, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Moi, j'avais une même question dans cette même lancée-là. Oui. Ça se situe dans Éphésiens et Colossiens. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Colossiens chapitre 3, verset 21. Parents, n'irritez pas vos enfants. Irritation des enfants, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il faut. Comment le parent irrite son enfant? Non, il faut lire exactement ce qu'il en est par rapport à cette phrase. La phrase ne finit pas. On dit des peurs qui ne se découragent. C'est ça, n'est-ce pas? Ça continue en disant des peurs qui ne se découragent. Vous savez, je veux toute votre attention maintenant pendant que je vais dire ces choses-ci. Dans cette série d'instructions que le Saint-Esprit donne aux parents pour que le foyer soit en harmonie, il dit, parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il y a des parents qui, lorsqu'ils arrivent à la maison, vous savez, un parent, pour ceux qui ont grandi en Afrique, savent cela, les parents étaient tellement craints par les enfants d'être enceintes, s'ils sont en train de jouer, s'ils entendent la voix du parent, chacun détale comme les souris dans la maison, comme si les souris savaient que le chat est venu. N'est-ce pas? Ça ne doit pas être, ça ne doit pas se faire. Les enfants font quelque chose maintenant en ayant peur du papa. L'harmonie entre le père et le fils devait être une complicité. L'enfant fait des choses mauvaises, on le corrige dans le cycle, parce que le mot corriger, ça veut dire qu'on te fait pour que tu comprennes ce que tu ne devais pas comprendre, sur ce que tu n'avais pas compris pour pouvoir être, pour pouvoir t'améliorer. On ne fracasse pas tout simplement l'enfant, le taper, tuer. C'est pour ça que la Bible déclare que les peurs qui ne se découragent. Je prends un exemple simple. Il y a des enfants qui, lorsque vous donnez quand ils, à l'école, n'appréhendent pas la chose de la même façon, parce qu'ils n'ont pas les coefficients intellectuels identiques. Il y a des gens qui assimilent, même pas seulement les enfants, même les grands. Alors, tu ne dois pas espérer que ton enfant, toi-même, tu as fait le coup moyen de 7 fois. L'enfant, au moins, quand tu as eu à trouver quelque chose à manger aujourd'hui, l'enfant, tu dis à l'enfant, tu commences à dire à l'enfant que tu étais premier de ta classe chaque fois. Alors que tu étais avant-dernier, quand le dernier n'était pas là, c'est toi qui prenais la place. Vous voyez, quand on fait ces choses-là, on commence à marteler l'enfant parce qu'on veut que l'enfant soit premier, parce qu'on a pris les choses. Il faut être patient avec les enfants, les corriger, les amener à comprendre. Parce que quand ça ne fait pas comme ça, l'enfant se braque et puis ça amène l'enfant à s'irriter. L'enfant, ça pousse l'enfant dans la rébellion. Donc on parle ici là de la correction de l'enfant selon le Seigneur, pas selon pas comme le monde le dit. Sinon, les enfants vont effectivement s'irriter. Il y a des enfants qui fuguent. Les enfants fuient la maison de leurs parents, ils vont vivre n'importe où parce que c'est comme si c'était un enfer de vie là-bas. Pourtant, les parents, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu également l'enseignement biblique comment corriger leur enfant. Et par conséquent, ils peuvent utiliser n'importe quelle stratégie pour faire banal. D'autres utilisent les façons de faire des papas de 1922 en appliquant maintenant en 2002. Ça ne marchera pas. Vous comprenez, ça ne marchera absolument pas. Il est temps que les parents reviennent à la parole pour voir comment on corrige les enfants. Et on dit clairement là-bas des peurs qui s'irritent. Parce que si s'irritent là-bas, ça va les pousser à la rébellion. C'est un peu par exemple, je vais prendre un exemple comment, puisque le moment est bien positionné, c'est un peu comme les femmes. Vous remarquez que des... Allons-y aussi dans ces Éphésiens. Regardons, vérifions, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Éphésiens chapitre 6, justement. Parce que tu as bien situé ça dans Éphésiens chapitre 6 et Colossiens chapitre 3. Donc, si vous voulez bien, on prend le verset 19 et chapitre 3 d'abord de Colossiens avant de revenir avec les femmes. Vas-y. Bon, vous êtes dans quel livre déjà maintenant? Colossiens 3, Éphésiens. Bon, ok. On commence par lequel alors, si vous voulez. Celui qui est premier, Éphésiens. Ok, okay, Éphésiens alors. Okay. Ok, maintenant, regardez le verset 1 à 4. La sœur Anne lit nous la voix. Ok. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, oui, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous avez entendu ça? Amen. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Amen. Ça, ce qu'il dit là? Voilà. Maintenant, regardez ce que le commandement. Mm-hmm. Regardez comment le Saint-Esprit le dit maintenant dans Colossiens chapitre 3, verset 18 à 21. Commençons maintenant. J'y vais? Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Stoppons là-bas. C'est là où je voulais arriver. Remarquez très attentivement qu'on ne dit pas seulement que le mari aime sa femme, mais il ne doit pas s'aigrir contre elle. La femme a un comportement. C'est pour ça qu'il y a des choses subtiles dans la parole. Remarquez très bien qu'on dit que la femme doit être soumise comme il convient au Seigneur. Donc, il y a une convenance de soumission dans le Seigneur. Il y a la façon de soumission dont Dieu parle. La façon que Dieu soumet, ce n'est pas comme un esclave avec son maître. Non. Avec l'homme et la femme, ce n'est pas ça. La façon que Dieu donne l'autorité à l'homme sur la femme, ce n'est pas l'autoritarisme comme la dictature. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, on dit ici, pour la femme, il dit, elle doit être soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que la soumission, c'est selon le Seigneur. L'enseignement, ce n'est pas comme le monde enseigne cela. Pour le mari, on dit, aimez vos femmes et... En plus d'aimer maintenant, il y a quelque chose qui s'est ajouté. Et ne vous aigrissez pas contre elle. La femme. La femme enseigne encore. La femme enseigne encore. Attendez seulement. Et qu'à minuit, lorsque tu es bien fatigué, la femme enseigne se tourne et dit que va me chercher le soya. Vous savez, chercher le soya. Vous savez, pour ceux qui sont en Afrique, vous savez de quoi ils parlent, n'est-ce pas? Vous savez, les gens qui vendent des viandes qu'on fume là. La femme qui te réveille à minuit, il te dit va dans le carrefour à Bobo là. Il faut chercher Abdou. C'est Abdou qui fait bien, c'est son piment que je veux. Et puis elle te dit que c'est l'enfant qui désiste là. L'enfant connaît le soya. Or, vous voyez effectivement que quand l'enfant se trouve dans le corps de la femme, à chaque enfant, son espace de naissance et puis sa modification corporelle. Selon les hormones que l'enfant sécrète dans la femme a des comportements et des humeurs différentes. Elle peut être avec toi en train de rire là subitement. L'enfant lui tape au niveau de la côte. Pam, elle te regarde comme ça. C'est comme si c'était toi qui lui avais fait cela. Or, l'homme doit être capable de gérer toutes ces humeurs là. C'est pour ça que c'est en ce sens-là que son rôle de chef est vraiment efficace. Sinon, tu vas dire que tu déranges. Pourtant, c'est toi qui lui as fait le problème qui est. Tu l'as mis dans les problèmes et les situations dans lesquelles se trouve là maintenant. Maintenant, la Bible déclare, Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est vrai, on dit que c'est légitime que si elle te réveille à minuit, chérie, oui, tu sais que je suis rentré très tôt, va me chercher de l'eau, tu vas chercher de l'eau. Parce que c'est sa condition à elle qui la met dans cette situation-là. Maintenant, la Bible déclare que le mari ne doit pas s'aigrir. De la même façon comme, vous voyez, souvent on dit, l'enfant obéissait à vos parents. Mais le Saint-Esprit ajoute selon le Seigneur. La Bible déclare que le parent doit instruire son enfant en le corrigeant, mais il faut éviter de le pousser à l'irritation. Donc, il faut à tout moment que le Saint-Esprit soit sur le parent, sur l'enfant, sur la femme, pour qu'il y ait l'harmonie selon le Seigneur. Si ce n'est pas comme ça, on va verser dans tous sens. Maintenant, verset 20 et 21. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc, il ne faut pas pousser l'enfant à l'irritation. L'irritation conduit forcément à la rébellion. Il faut le corriger. Ça veut dire qu'il faut que, même si l'enfant fait une faute, à l'issue de la correction, qu'il comprenne effectivement ce qu'il devrait comprendre et ce qu'il a dû à manquer pour pouvoir la prochaine fois ne pas réitérer sa bêtise. Amen. J'ai une petite question, mon frère. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par justement corriger l'enfant? Voilà. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à taper l'enfant? Proverbe chapitre 22. Je dis ça. Non, allons-y. Consultons les Saintes Écritures. Donc, tu n'as pas voir l'enfant de mettre la main dans le feu ou bien casser le verre. Tu dis non, s'il te plaît, Gabriel, ne fais pas ça, mon chouchou. Non. Non, je dis ça parce que c'est justement, je suis l'opposé à ça, je suis très sévère. Je suis stricte avec mes enfants. Je crois que c'est Bamba Iba. Je tape. Il y a deux enseignements que vous, les parents, vous devez suivre. Que faites-vous avec ces lois antichrist et l'éducation des parents, quelque chose comme ça. C'est Bamba Iba. Je crois qu'on en a parlé là-bas. Prenons le livre des Proverbes, chapitre 22. Le verset 15, qu'est-ce que ça dit déjà? Je n'ai pas encore trouvé. Oui, c'est bon. Oui, allons-y, celui qui a trouvé le verset 22. 15. Chapitre 22, verset 15. Qu'est-ce que ça dit? La folie attachée au cœur de l'enfant. Oui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, il y a le démon de la folie qui guette le cœur de l'enfant chaque fois. On dit que l'onction pour pouvoir délivrer l'enfant, c'est le chicoter. C'est ce qu'on a dit ici. Donc, sa délivrance vient à partir du chicote, c'est ce qu'il écrit. Donc, si vous avez... Chicoter, comment t'as chicoté, toi? Donner une fessée? Oui. Oui, fessée ou quoi? Parce que, permettez-moi, en fait, je veux comprendre, parce que même des fois, je m'en veux beaucoup quand je fais ça. Non. J'ai l'impression que ça ne plaît pas au Seigneur, parce que... J'ai ma conscience qui me juge. Non, du coup, je me tâte de pas de mauvaise maman. C'est pas ça, c'est pas la conscience qui te juge, c'est la pitié pour l'enfant. Allons-y, chapitre Proverbe, chapitre 13, verset 54. C'est ça. Combien? Chapitre 13. Proverbe, toujours, restons dans le Proverbe. Proverbe 13, oui. C'est la sœur Clonon qui va lire maintenant et nous expliquer ce qu'elle comprend. Oui, pardonnez-moi, on est bien dans Proverbe. Hein? Oui, Proverbe. Oui. Tout, okay. Tous les versets que nous allons lire maintenant seront dans Proverbe jusqu'à Nouvel Ordre. Chapitre 13, verset 24. Qu'est-ce que le verset 24 dit? Alors, celui qui ménage sa verge est son fils. D'accord. D'accord, c'est-à-dire quoi, ma soeur? Bah, il faut chicoter. Chicoter comment? Avec de la chicotte. Voilà. Oui. Alors, on y va. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Tu as entendu, n'est-ce pas? Donc, il y a deux volets. Non, parce que ici, il y a deux volets. Pardon. Celui qui ménage, quoi, sa verge est son fils. Donc, ça veut dire que si tu arrêtes la chicotte, et puis tu dis, oh, Alessia, je vais te gifler, hein. Je vais te donner un souffle. On dit que tu la détestes. Donc, la pitié que tu as sur le cœur, là, c'est pas cela. Ça ne veut pas dire tout simplement qu'il faut taper les enfants à tous les coups. Il y a des corrections qui peuvent être verbales. Des corrections, par exemple, l'enfant peut... Il y a des choses où vous pouvez demander à un enfant de débarrasser la table, par exemple. Le plat de la table. L'enfant porte le plat de la table, il va mettre au WC. Vous n'allez pas taper cet enfant-là. Il faut lui dire, parce que pourquoi il va mettre au WC? Mais montrez-lui que non. Porte ce plat, c'est chaque fois qu'il faut développer. Quand on débarrasse le plat de la porte, quoi, de la table, il faut mettre là où on lave les vaisselles. Demain, vous lui dites même chose pour voir s'il a compris. Là, vous l'avez corrigé. Il n'a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin de le chicoter ici. Mais il y a des choses, effectivement, que vous voyez, effectivement, que ça, c'est de la folie. D'accord? Voilà. Maintenant, continuons, chapitre 18 maintenant. Oui, prenez chapitre 19, verset 18. C'est toujours toi la sœur Clodo qui va lire. Amen. Chapitre 18, verset. Non, chapitre 19, 19 verset 18. 19, 18, oui. 19, 18, entendu. Alors, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Tu as entendu ça, ma soeur? J'espère que tu as donné le nom. Celui qui. Ah oui, mais c'est des versets que je connais très bien, mon frère. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que. Mmh. En fait, je maîtrise très bien ces versets-là puisque je les ai lus et relus et ça m'a même soulagée. Oui. Parce que du coup, j'avais l'impression de faire faire quelque. Enfin, je sais pas comment dire ça. Quand j'ai lu ça, ça m'a rassurée. Mais le point, c'est que, mais comme on disait tout à l'heure, on est ici en Europe. Oui. Les lois sont les lois européennes. À cela. Ah oui, complètement. Je vous assure, c'est vraiment frustrant. Bon, il y a une solution. Il y a une solution. Ce qu'on va faire, c'est. Tu vas accumuler. Je crois que la dernière fois, il parlait de la France. Et en France, il y a un centre de défoulement de colère. C'est-à-dire que quand tu es en colère, les gens te tapent sur le nez là. Tu vas dans ce centre-là, tu entres, tu te défoules de tout. Tu vas au mur, tu tapes le mur, tu payes 50 euros et puis tu sors quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Il y a une autre solution de sortie. Oui, vous ne savez pas ça. Ça se trouve en France, les centres de défoulement, ça. Donc, si ton patron te fait quelque chose de mauvais, ton enfant te casse la tête, tes patrons, tes chefs te mettent beaucoup de pression, comme tu es sous pression, tu y vas, tu t'enfermes, on te donne des bouteilles, tu casses au mur. Si quelqu'un t'a énervé dans le métro, tu dis que celui-ci, tu te le représentes là-bas au mur, tu tapes, puis tu te défoules, puis tu sors, tu dis c'est bien fait pour toi, quoi. Voilà la solution que les Blancs ont proposée maintenant pour pouvoir se défouler. Maintenant, la sœur Clodon, et pour tous ceux qui sont dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, il y a un moyen de contournement de la loi européenne. En Afrique encore, on permet la frappe. Payer le transport, venez en Afrique, atterrissez en Afrique, frappez les biens, puis vous rentrez. Ce serait bien comme ça. Chapitre 23, le verset 14. Proverbe, chapitre 23, verset 13 et 14. Que Dieu bénisse. Rassure, c'est ce que je fais déjà. Moi, je. Je crois qu'il va falloir que vous suivez encore l'enseignement là, sur les lois anti-crise là. Chapitre 23, verset 13 et 14. Chapitre 23, verset 13 et 14 des Proverbes. Si tu le frappes à verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Je crois qu'il y a problème avec la. Je crois qu'il y a un problème avec la connexion. Vous y êtes. Il y a un problème avec. La sœur Suzanne, la connexion s'est un peu interrompue. Essayez de relire encore le verset 13. Vous m'entendez là? Allô? Vous m'entendez? La sœur, tu m'entends? Oui. Ok. Entendu. Voilà, verset 13 et 14 encore, du chapitre 23 du Proverbe. Oui. Non, c'est bon. Quelques petits soucis avec la connexion du côté de Belgique. C'est dans la Belgique. Ne dépasse pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il va frapper de la verge. Oui, c'est bon. Problème alors. Oui, il y a vraiment le problème. Il y a vraiment le problème. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la veille, tu délivres son âme du séjour des morts. Vous avez vu cela? Donc, c'est l'instruction de Dieu ici. Ça veut dire que, enfin, voyons au chapitre 19, chapitre 29, verset 15 et 17. Chapitre 29, le verset 15 et 17. Allons-y là-bas, voyons ce qu'il dit. Verset 15, la sœur Clodon. Oui, alors, verset 15. La verge de la correction donne la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Amen. Maintenant, Amen. dans le verset 15, je veux que vous notiez, vous remarquiez qu'on a dit la verge et la correction donnent la sagesse. Donc la chicotte et la correction. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, c'est deux choses différentes. C'est parce qu'on peut corriger sans chicoter. Voilà. Alors, on dit donc que l'enfant livré à lui-même, qu'est-ce que ça va devenir? Si on le chicote, la Bible dit que si on le chicote, on délivre son âme de ce jugement des morts. Donc, on dit que celui qui ne chicote pas son enfant le déteste. Parce que tu le livres. L'enfant ne sait pas se contrôler. C'est un peu comme quoi? Il a besoin d'un éducateur pour contrôler ses pas, pour le guider. C'est son intellect est comme un réseau de câbles qui est mélangé, qu'il faut classer câble après câble pour pouvoir le conduire sur la voie qu'il doit suivre. Et si le parent dit, l'enfant est libre de faire son choix comme il veut, il n'a pas autorité par rapport à sa volonté pour faire son choix. C'est pour ça qu'il est placé sous tutelle de son parent. C'est pour ça qu'il est placé sous tutelle de son parent pour qu'il reste, son père reste administrateur de sa volonté jusqu'à ce qu'il soit à même de décider par lui-même. C'est vrai. Donc l'autorité parentale est là pour administrer la volonté de l'enfant et guider cette volonté-là vers la crainte du Seigneur jusqu'à ce que la personne se débarrasse de cette autorité. D'accord. Je peux poser une question? Pose la question, ma sœur. Que faire dans dans une famille où l'un des parents est contraire à ça? À quoi? À la correction, à l'utilisation de la verge. Ça dépend maintenant de quels parents dont il est question. S'il est question. Prenons un cas où le parent, un des parents est chrétien, c'est lui qui corrige et l'autre il est païen. On Voilà. va dire qu'il n'a pas de chrétien encore. Voilà. Allons-y là-bas. La Bible déclare, chapitre 1 des Proverbes toujours. Vous voyez pourquoi les gens qui nous suivent maintenant ont intérêt, s'ils ne sont pas mariés, à choisir les maris chrétiens. Les gens qui sont mariés, les hommes qui sont mariés, qui ne sont pas mariés, ont intérêt à choisir les femmes chrétiennes. Voici les femmes ici qui ne sont pas mariées. Oh. Si vous voulez aller chercher dans le monde, parce qu'il y a la beauté de Jennifer Lopez là-bas, c'est votre problème. Il y a les sœurs chrétiennes qui ont été déjà nettoyées, prêtes seulement à être soumises à leur mari. Elles sont disponibles. C'est SOS du mariage. Oui, Proverbe chapitre 1, verset 8. Allons-y, qu'est-ce que c'est? Il y a aussi les frères, non? Oui, Il y a aussi les frères, non? c'est vice-versa, naturellement. Oui. Ah, quel bonheur que d'avoir une femme qui craint Dieu. Quel bonheur Amen. d'avoir un mari qui craint Dieu. Amen. Amen. Bon, les frères aussi, soyez aussi romantiques. Hein? Bon, on va revenir sur cela. Chapitre 1 de Proverbes, verset 8. Je ne parle pas de romantisme mondain, pas de romantisme biblique. Vous savez, Amen. Pardon, faisons-y un détour même déjà pour commencer. Allons dans le livre de Genèse. Que Dieu vous bénisse. Amen. On y va. Chapitre verset de Genèse. Verset 28, 29 et... non, verset 8, 9 et 10 du chapitre verset de Genèse. Qu'est-ce que ça dit, la sœur Reine? C'est toi qui vas lire ça pour qu'on voit quelque chose. Chapitre combien? 26, verset 8. Chapitre 26, verset 8, 9 et 10. Recevez la salutation de ma charmante épouse du Proverbe, chapitre 12, verset 3 et 4, la sœur Grâce. Donc, souvenez-vous, si vous entendez, je dis... Ma Proverbe 12, 4, 3 et 4. Il s'agit de la sœur Grâce. C'est un autre synonyme de son nom. Je n'ai pas demandé que vous allez consulter ce qui est dans Proverbe chapitre 12, verset 3 et 4. Je n'ai pas demandé ça. Bien que quand On vous allez va entendre comme ça, vous allez consulter. fouiller. Vous allez sûrement fouiller. Et c'est que vous On allez va fouiller. On va chercher. Vous allez chercher. Souvenez-vous que c'est seulement pour moi. Donc si vous trichez. On va chercher en pensant à toi. Ah, c'est seulement pour moi seulement. D'accord. Donc, chapitre Genèse 26, verset 8. Oui. Comme son séjour se plongeait, Oui. il Proverbe. arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Il faisait quoi, ma sœur? Abimélec fit appeler Isaac Attends d'abord. qui plaisantait avec Rebecca. Les intérêts. Les intérêts. J'ai pas une parole vivante, peut-être ça va expliquer mieux. Oui, tu aimes les choses comme ça. Vous les femmes, vous aimez les choses. Lis-nous la parole vivante. Rends-nous ça vivante, ma soeur. Rends le verset la vivante en parole vivante, voix. Verset 8. Oui. Verset 8. La soeur cherche la version qui va rendre la chose plus vivante pour qu'on voit comment il vivait là-bas. Verset 8. Oui. Isaac est là depuis longtemps. Un jour, Abimélec, roi des Philistins, regarde par la fenêtre. Il voit Isaac en train d'embrasser sa femme, Rebecca. Donc ça a rendu vraiment sa vivante, n'est-ce pas? Oui, mais continuons la lecture. Parce que quelque chose, le roi a vu quelque chose s'est passé entre les deux. Parce qu'initialement, si vous lisez depuis le verset 1, Isaac disait de Rebecca, que c'est sa sœur. Et puis, quand Abimelech a observé, c'était un style de mouvement entre les deux, il a compris que quelque chose ne va pas. Continuons verset 9. Ok. Verset 9. Abimelech le fait venir et lui dit, c'est sûrement ta femme. Tu as dit qu'elle était ta sœur. Pourquoi donc? Isaac lui dit, j'ai dit cela parce que j'avais peur de mourir à cause d'elle. Abimelech continue, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus et quelqu'un de mon peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Abimelech donne cet avertissement à tout le peuple. Si quelqu'un touche à cet homme et à sa femme, je le ferai mourir. Voilà. Donc, vous voyez effectivement que le style de mouvement et de décalage, de couper, décaler que les gars ont fait là-bas, Abimelech a vu vraiment qu'il y a un danger. Pourquoi? Il y a des frères qui marchent avec leur, même leur femme. Écoutez, c'est vrai que nous tous nous sommes frères et sœurs, mais il n'y a pas l'inceste en milieu chrétien. Ta femme, c'est ta femme, c'est pas ta sœur. Donc, il y a des gens qui marchent avec leur femme, il est loin devant, la femme est loin derrière parce qu'il ne veut pas qu'il marche avec sa femme. Il ne veut pas qu'il sache que c'est marié. Bon, frère Trabi, tu es le seul homme ici, donc on ne va pas quand même te mater comme ça. Donc, en fait, je vais dire seulement que les hommes doivent prendre la position, honorer les femmes, élever-les dans leur statut pour qu'ils vous donnent la joie de vivre. Ils vont réparer les fautes dans vos vies, couvrir les déchets et ils vont vous donner la joie sur le cœur. Le flux de sang va marcher dans vos artères et vous n'allez pas avoir les crises cardiaques. Souvenez-vous de ça. Wow. Oui. Wow. Rentrons dans ce qui nous intéresse. Parole d'un homme romantique. Oui, c'est ça. Rentrons dans ce qui nous intéresse ici. Donc, la mienne, c'est pour le chapitre 12, verset 4, page A, si vous voulez. Alors, ma sœur, nous étions dans le prophète chapitre 1, là, maintenant, verset 8. Qu'est-ce que ça dit? J'arrive. Proverbe chapitre 1, verset 8. Oui. Écoute, mon fils, instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, le père a les instructions à donner à l'enfant, la mère a les enseignements à donner à son enfant. Chacun doit faire sa part des choses. Écoute l'instruction de qui? De ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On va prendre ce cas-ci. Le papa n'est pas chrétien, la maman est chrétienne. L'instruction, c'est un style de commandement où les gens doivent obéir. Mais dans Psaume 119, verset 100, la Bible déclare, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On dit, l'enseignement, c'est la correction sur le chemin de la vie. Ça corrige, ça donne la lumière. Donc, si le papa donne l'instruction, la maman donne les petits enseignements pour corriger ces choses-là, pour mettre l'enfant dans la voie qu'il doit mettre. Donc, même si le couple n'est pas chrétien, enfin, même si une partie n'est pas chrétien, on peut utiliser de la sagesse pour bâtir sa maison. Quand le Seigneur a dit la femme sage bâtit sa maison, avec la sagesse de Dieu, la sagesse du Saint-Esprit, vous pouvez bâtir votre maison, même si le père est violent, soulard, n'importe comment, votre rôle à la maison se reconstruit. Parce que souvenez-vous, s'il le fait, ce n'est pas parce qu'il le veut. Parce qu'en fait, un être humain normal ne voudra pas de mal pour son enfant. C'est parce qu'il n'a pas autre façon de faire que ce qui lui est instruit, est inspiré par cette puissance des ténèbres qui le contrôle. Donc, on ne doit pas lui reprocher cela, parce qu'en réalité, il est sous une autre gouverne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est à vous maintenant, vous, étant dans la lumière, si l'enfant en train de se décourager, vous prenez l'enfant de côté, vous dites que quand ton père dit comme ça, c'est pour cela, il veut dire telle ou telle chose. Vous l'amenez cela dans l'enseignement et le faites marcher dans la voie de la sainteté. D'accord, mes frères et sœurs? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Dans cette même lancée aussi, là, il y a une question. Oui. En fait, c'est de savoir jusqu'à quel âge Dieu prend en compte le péché. Jusqu'à quel âge Dieu prend en compte le péché. Bon, dans Sodome et Gomorre, nous avons parlé de cela ici. Chapitre 19, allons-y au chapitre 19 de Genèse. Oui, en général, c'est les deux. En général, c'est tout le monde. Petit comme grand. Genèse chapitre 19, verset 1 et suivant. Qu'est-ce que ça dit, ma chère, la chère amie? Chère amie, tu peux lire à haute voix. Genèse 19, 1. À partir du verset 1, à partir du verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller à leur rencontre. Se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, vous, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passer la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous suivrez votre route. » Où répondit-il, « Nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entouraient la maison depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Voilà. Il dit. Quels sont les gens qui sont venus vers Lot? Les enfants, les vieillards et toute la population. Voilà. Le frère Trabi, vous allez m'écouter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les enfants ils veulent faire dans cette affaire-là, cette nuit-là? J'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que les enfants viennent faire dans ce groupe de personnes qui viennent chez l'autre? Ils veulent faire quoi? Ils voulaient connaître les hommes, la coucher avec les deux hommes qui étaient entrés chez l'autre. Un enfant doit faire ça, frère? Non. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Samuel chapitre 15. La Bible déclare que depuis le sein de maternelle, ils sont tous pervertis. Ils sont tous, pervertis. Il n'y a aucun juste, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 ou 5. La sœur Félicité, lis alors. Bon, lis dans la version 8 secondes. Lis pas dans ta version améliorée. Oui, c'est bon. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir homme et enfant, homme et femme, enfant et nourrisson. Stoppons là-bas. Bœuf, souligner enfant et nourrisson. Comment? Et nourrisson, on fait quoi? C'est la question qu'il faut qu'on pose là à Dieu. Lui qui crée, c'est lui qui reprend. Voilà. Donc, lorsqu'on n'entre pas dans le conseil de Dieu pour comprendre la façon de Dieu de fonctionner, vous allez voir effectivement que c'est de la méchanceté. La Bible dit que si on casse un de leurs yeux, il y sort un venin d'aspic. Vous voyez, c'est terrible. Un Amalécite est un Amalécite. D'accord? Oui. Un Moabite est un Moabite. Alors, tu poses la question, à quel moment le péché d'un enfant est connu? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a plutôt les âges de conscience du péché dans la Bible. D'accord? Si c'est pour le péché, tous ont péché. Même le péché que toi-même, tu n'as pas commis. Parce qu'ici, ces enfants-ci, on va les tuer, les nourrissons. Quelqu'un qui est nourri, on va voir une femme qui est enceinte, on coupe le ventre de la femme qui est enceinte. Déjà que les femmes, les gens, le roi, les populations qui sont là ne sont même pas conscients qu'ils ont un péché qui pèse sur le pays et dont ils vont subir. N'est-ce pas, frère? N'en parlons pas donc maintenant aux nourrissons qui sont parmi eux, aux enfants qui sont parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché que les Amalécites avaient fait lorsque les Juifs sortaient du pays d'Égypte. N'est-ce pas? Alors, il y a le péché, tous ont péché, comme dit la Bible, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Maintenant, il y a plutôt les étapes de conscience du péché. C'est-à-dire que le développement du péché. Comment une jeune fille, on dit la plus jeune mère du monde à 9 ans. Je veux qu'on m'explique. Et ça devient un record Guinness qu'on récompense. Elle a défié la science, défié le monde, défié les femmes à 9 ans. C'est normal, mes frères. Je ne sais pas si vous comprenez le problème. C'est pour dire qu'à 9 ans, vous dites que, si vous posez la question, par exemple, à quel âge on doit être mère? On est arrivé dans une étape où il n'y a plus rien de normal. On a écarté la norme, on a normalisé l'écart. Donc à tout moment, déjà qu'on enseigne à un enfant la masturbation, on dit que ton zizette, il joue avec ton zizette, ton zizi. Vous voyez ce qu'il en est? Parce que les esprits vont entrer dans le corps et développer le corps au plus haut degré. Sinon, comment comprenez-vous donc qu'on dit que les vieillards avec les enfants marchaient pour aller coucher avec les gens? Il dit bien dans ce livre de Genèse, chapitre 19. Comment au monde un vieillard va marcher? Vous-même, si vous avez un petit frère, un de vos petits frères, un de vos enfants quelque part, et vous voulez faire des choses concernant le domaine sexuel, vous faites tout pour l'épargner de cela, pour le garder, pour qu'il ne soit pas au courant de ces styles de choses. Mais ici se trouvent les vieillards de la ville, les anciens d'avis qui sortent avec les enfants, ils discutent un nom. C'est dans Genèse, chapitre 19, on a lu ça. Donc, pendant qu'on dit ça, il y a un petit garçon là, peut-être de 2 ans, 1 an, qui dit: fais-les sortir pour qu'on les connaisse. Oui, fais-les sortir. Quelle perversion nous avons. Et vous, nous sommes en train de rire. Voilà ces choses qu'on a de légaliser en disant, en entrant les enfants déjà à l'intérieur, qu'ils soient conscients du sexe. Pour que si quelqu'un est de commettre l'immoralité sexuelle, que l'enfant soit de commettre l'immoralité sexuelle. Puisqu'on va légaliser la pédophilie. Quelqu'un pourra faire maintenant choisir son sexe, choisir même son partenaire. Un enfant peut dire: j'aime ce papa là. Il couche avec ses papas. Donc, comme on voit dans Genèse, là, c'est en train d'arriver. C'est ça. Donc, enfin, frère fidèle, c'est les âges du péché. En fait, si à notre âge là, même à 0 ans, on a péché. Donc, c'est grave. Donc, si je veux bien comprendre, concernant l'enfer aussi, c'est pareil. Hein? C'est pareil. Et ce n'est pas à cause de cela qu'ils partent en enfer, justement. La sœur Christiane, bonsoir et bienvenue. Allô? Allô, bonsoir. Bienvenue dans le groupe Belgique, dans la CTT. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, Seigneur, ça va, désolé. Je peux te rassurer que tu n'as pas raté grand-chose. Tu as seulement raté 1 heure 12 minutes de conversation. J'ai un oncle, le petit frère de mon papa qui est venu du Cameroun à tout à l'heure, donc je profite de ma vie pour vous faire un coucou, quoi. Merci avec vous. Amen. Demande-lui, il faut lui dire, comme il vient du Cameroun, là, il faut lui dire que les enfants là-bas ne tapent pas parce qu'il ne faut pas qu'il ait le réflexe de taper les enfants. C'est qu'on va le condamner là-bas. Je suppose que vous parlez alors des enfants. Je crois que la soeur amie sera bien propice, bien positionnée pour te faire un briefing de ce que nous sommes de voir depuis 1 heure 15 minutes maintenant. Donc, oui, frère. Donc tu ne veux pas que la soeur, tu ne veux pas que la soeur amie fasse le briefing pour mettre la soeur Christiane dans le bain. C'est ça, frère? Ouais, ça me fait du bien de vous voir. Ouais. Ouais, ça te fait du bien de nous voir, mais tu nous montres seulement le chemin pour montrer à la vie éternelle. On ne te voit pas du tout. Ouais, je vois. Ouais, ça est, Junior. Mettez-moi de ne pas mettre la caméra aujourd'hui. Ok, on accepte la discrétion. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous sur Bamba et Bamba. pour la rediffusion. Donc, Frère Trabi, continuons. La sœur Ami a dit que qui n'est pas là est ailleurs. Elle en profite pour ailleurs. On continue pour ici. Donc, concernant l'enfer, ça dépend maintenant de la sémence. Alors, on va aller doucement. Depuis que Christ est venu à la croix, la première chose à faire, à savoir, c'est que tous ceux pour qui il est mort entreront au ciel, de toutes les façons. Parce qu'il a dit que c'est la volonté du Père, c'est qu'il ne perde aucune de ce qu'il lui a donné. D'accord? Amen. Donc, on ne va pas en enfer parce qu'on a péché, parce qu'on n'a pas été donné à Jésus. Et ceux qui lui ont été donnés, il leur donne la vie éternelle pour qu'ils ne périssent pas. Donc ceux qui partent parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Parce que pour le problème du péché, le problème du péché a été déjà réglé par le Seigneur Jésus. Parce que le prix du péché a été payé. Mais c'est pas ce que vous comprenez. Ça c'est les gros morceaux de la Bible. Oh, par conséquent, écoutez très attentivement, maintenant c'est délicat. Par conséquent, bon, je prends un exemple simple. Le bandit à la croix là, le brigand de la croix, il a demandé pardon pour ses péchés? Non. Pourquoi le Seigneur lui a décidé de lui donner, de lui accorder la vie éternelle? Pourquoi? Parce qu'il était élu avant la fondation du monde. Le Seigneur Jésus le connaissait. Voilà. Dans le Luc chapitre 17, les gens là, les 10 lépreux qui sont partis, il y en avait 9 qui étaient israéliens. Un qui était samaritain, qui jadis était, sur le plan historique, était rejeté par le peuple d'Israël qui avait l'authenticité de la loi. Quand il revient vers Jésus pour lui rendre gloire, pour rendre gloire à Dieu, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ce monsieur-là venait demander la vie éternelle. Pourquoi il décide de lui accorder la vie éternelle pour le sauver? Pourquoi décide-t-il de se révéler à la femme samaritaine en disant, je le suis, moi qui te parle? Mais aux juifs qui connaissent la loi et qui connaissent Dieu, il est zambru au point où il se concasse le cerveau. Vous voyez? Chapitre 19 de Matthieu. Matthieu chapitre 19. Versets 13, 14 et 15. Allons-y, qui peut lire? Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Je veux que vous preniez le temps de méditer ce pourquoi le Seigneur Jésus a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Prenez le temps pour y méditer, d'accord? Pourquoi parce qu'il dit quelque chose, puis il dit, car le royaume de Dieu, quoi, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Pourquoi le Seigneur nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants? Remarquez très attentivement qu'on amène les enfants d'abord vers lui pour qu'il leur impose les mains et il prie pour eux. La Bible dit que les disciples les faisaient quoi? Les faisaient obstacle. Vous voyez? Les repoussaient. Non, ça c'est pas les choses des enfants, ça. Oh, amène les enfants là-bas. Parce que ce sont les choses des grands ici. Ah, Jésus a dit, non, ne les repoussez pas. N'empêchez pas les enfants de venir vers moi. Savez-vous que les enfants ont joué de grands rôles dans l'évangile? Si vous regardez bien la Bible, vous savez, vous connaissez les enfants qui ont joué de grands rôles dans la Bible? Il y a celui qui est tombé de la fenêtre. Voilà. Matthieu est en train de. Oui. Là, c'est. Oui. Il est ressuscité. Voilà un jeune homme. Continuons. Qui encore? Moïse? Non. Samuel? Samuel, enfant, oui. Moïse? David, non? David était aussi très David, jeune. moins de 17 ans, Oui, c'est ça. adolescent, continuez. Joseph, continuez comme ça. Oui, Joseph. Jésus lui-même, à l'âge de 12 ans, n'est-ce pas, frère? Oui. On va parler de lui de 12 ans et on va parler de quelque chose, Dieu voulant, un de ses jours. D'accord? Alors, remarquez très attentivement. D'une part, les Écritures disent, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que la Bible déclare. Tout à l'heure, nous avons lu Proverbe chapitre 1, verset 8, que mon fils ne rejette pas, ne méprise pas l'instruction de ton père, il ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On dit ça à un enfant. Garde la correction. Garde-les au-dedans de toi et te préserveront de la femme adultère, ainsi de suite, de la femme corrompue aux yeux doucereuses, ainsi de suite. Maintenant, on donne toutes ces instructions-là aux fils, aux enfants. Pourquoi? Parce que ce sont des fondations. On les appelle les fers de lance. C'est ce sur qui la génération suivante va compter. Mais maintenant, il ne faut pas qu'ils grandissent avant d'entrer en possession de ces choses-là. Parce qu'avant cela, s'ils grandissent, le cœur aurait été capté par autre chose. Beaucoup d'autres choses auraient été stockées là-dedans. C'est pour cela que les enfants de chrétiens sont vraiment dans l'ambiguïté. Ils peuvent sortir, aller imiter n'importe quel style d'égarement, mais ils ne seront pas égarés comme les autres. Parce que dès le départ, il y a une fondation qui se trouve à l'intérieur. Vous, les parents, ne vous inquiétez pas, mettez seulement la fondation. Mettez seulement la fondation. Comme dans un disque dur, quand on met ce disque-là, cette lettre-là sur un disque, on lit, ça lit tout simplement. Mettez seulement les informations. Son cœur, ne croyez pas que vous allez dire, ah, récitez le verset. C'est quand l'enfant sera face à une difficulté que ces paroles que tu as mises en elle ou en cet enfant-là vous reproduira. Tant que vous serez là, vous allez croire que vous voulez que l'enfant soit disciple comme l'apôtre Paul. Il ne sera pas comme ça. Mettez seulement les informations. Parce que le monde, quand le monde met ses informations, il ne lui demande pas de se masturber immédiatement. Il voit un flash pornographique, il reste tranquille. Le flash est à l'intérieur. À un moment donné, il passe dans un magasin, dans un restaurant, il voit un autre flash. Le deuxième est construit. Un de ces jours maintenant, il dit, ok, il commence à méditer sur ça, il faut qu'il fasse telle chose. Il commence à capter les films pornographiques, chercher ça sur Internet. Parce qu'on lui a donné enseignement après enseignement. Faites de même avec la parole. Plantez la parole. Plantez la parole. Plantez la parole. Ça va produire. Dit le Seigneur. Mais c'est vrai, mon frère, ce que tu dis, hein, parce que je prends mon exemple avec mes enfants et ça se voit. Il y a une différence avec... Enfin, c'est pas pour dire, je vois très bien à l'école avec ses petits camarades. Oui. Et puis comment elle raisonne. Oui. Parce que je n'arrête pas de lui enseigner, elle lit la Bible tous les soirs, elle a soif de la parole déjà à son jeune âge. Oui. Voilà. Et elle raisonne vraiment, enfin, c'est parce que c'est mon enfant, hein. Oui. Mais vraiment, je me dis, est-ce que c'est normal à son âge, quoi, de comprendre ces choses-là? Oui. Tu veux donc qu'elle soit en retard dans la sagesse alors quoi? Comme non, ça, pas sera, du ça tout. Sera bon alors. Non, pas du tout, au contraire, mais je reviens à ce que tu disais, c'est vrai, c'est parce que je vois que ça porte ses fruits en fait. Amen, amen. Amen. Ne cesse de le faire. Priez pour l'enfant, semez la parole. Priez pour l'enfant, semez la parole. Parce que vous qui êtes en Europe, vous êtes en grand danger parce que c'est que les maîtresses vont faire à l'école. Oui. Ils vont même dresser ces enfants là contre vous. Dresser les enfants contre vous. Ils vont même dire que. Les maîtres vont prendre vos enfants, mettre côte à côte en disant « Je suis plus ami à toi que ta maman. » Si ta maman fait quelque chose à la maison qui n'est pas bien, viens te plaindre à moi, ne dis pas à la maman. Et monter les enfants contre vous. À la maison, enseigner à l'enfant que c'est le parent et le papa et la maman qui vont rendre compte à Dieu pour leur éducation, pas sa maîtresse. Enseigner qu'ils doivent avoir la crainte du parent, pas de la maîtresse. Parce que la maîtresse est un inconnu, est une personne auxiliaire qui peut ajouter à sa vie des choses mauvaises comme les choses bonnes. Mais toi, ton parent, tu l'as porté pendant 9 mois en l'en préservant, en l'en faisant grandir jusqu'à présent, tu ne lui as pas fait du mal. Vous voyez cela? Que vous êtes là pour son bien. Mettez également cela pour déconstruire autre chose. Ça va produire du fruit. Amen. Ça va produire Amen. Du fruit. Amen. Souvenez-vous de ce qu'on a lu là-bas, l'enfant laissé à lui-même. Et Astral fait quoi? Dans la perdition. Donc, lorsque vous avez l'enfant devant de vous, ne méprisez pas la parole du Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Mes enfants ici, quand ils vont à l'école, quand ils ont commencé à côtoyer l'école, les réflexes des parents, c'est d'être à la mode. Et on ne s'en plaint pas par rapport à eux parce qu'ils n'ont pas le choix que de faire cela. Ils achètent des cahiers de Batman, vous appelez Spider-Man, le sac Spider-Man, ceci Spider-Man, d'autres Superman. Et puis voilà José qui se tient là-bas au milieu des discussions à l'école maternelle. Un de ces garçons dit « Wow, Spider-Man est fort !» Lui, il est surpris parce qu'il ne sait pas de qui est ce qu'on appelle Spider-Man ou bien Power, ou comment il s'appelle, celui qui vole là, avec S là, Superman. Superman. Superman. C'est tout ce qui se trouve à lui cracher, c'est que de toute façon, ton Superman là, Jésus est plus fort que Superman. Mais le garçon le trouve. L'autre garçon est surpris. Lui-même ne sait pas, lui-même ne connaît pas qui on appelle Jésus. Alors, celui-là prend position pour Superman, Jésus, quoi, Josué prend position pour Jésus. Puisqu'il ne connaît que Jésus, il a vu dans les films de Jésus comment Jésus faisait des miracles, il suit dans la Bible Jésus qui faisait des miracles. Il n'a jamais entendu que Superman fait des miracles. Et même si Superman fait des miracles, ces miracles sont moindres par rapport à ceux de Jésus. Alors, il vient à la maison, il demande à sa maman, il dit, maman, pendant qu'on est en train de le déshabiller, il dit, maman, est-ce que Superman est plus fort que Jésus? Maman dit non, c'est Superman, que c'est Jésus qui est plus fort. Il dit alors, j'ai dit à mon camarade que Jésus est plus fort que Superman, il discute. Vous voyez? Pendant qu'ils mettent Superman là-bas, manga ou tout autre acteur du monde qui typifie l'antichrist, enseignons Jésus. Enseignons Jésus. Toutes ces choses, toutes ces fondations-là, ça va nous permettre de se défendre et de montrer effectivement que Christ est Jésus est Seigneur au milieu de ses enfants. D'accord, frères et sœurs? Dans cette même lancée toujours. Oui, mon frère. Concernant Matthieu chapitre 2, versets 9 à 7. Oui. Est-ce que chacun a une étoile? Matthieu chapitre 2. Qu'est-ce que le Seigneur a montré? Matthieu chapitre 2, c'est par rapport à l'étoile, les marches qui ont vu l'étoile. Oui, mais dans ce contexte, est-ce que tout le monde sur la face de la terre a son étoile? Oui. Parce qu'on entend dire ça à chaque fois, je ne sais pas si c'est... Tu entends dire ça de qui, frère? Bon, c'est un langage courant, en fait. Ils disent que chaque personne a son étoile. Mais quand on rentre dans les Écritures, on a vu que les mages ont marché en suivant l'étoile. Quelle étoile? L'étoile du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu as vu ton étoile, frère, toi, ton étoile, toi? Non, je n'ai pas vu. Mais tu ne savais pas que tu en avais? Je ne sais pas. Genèse chapitre 15. Ils prennent en s'appuyant sur l'étoile que les mages ont suivie. Attends, on va voir. Attends, on va voir, c'est ça. Genèse. Chapitre 15, vous y êtes? Verset 1. Verset 1 à 7. On va s'arrêter à verset 6. Verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Ah, tu parles de la vous parlez des prophéties et du langage des prophètes. Allons-y. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Stop. Abraham eut confiance en Dieu. Frère Trabi, qu'est-ce que Dieu montrait à Abraham dehors dans le ciel? Montrer les étoiles, mais ça parlait des hommes en fait. Donc tu es trop fort maintenant pour comprendre cela. Non, avec ça, ça devient de plus en plus clair. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas. On sait que, bon, avec les Écritures maintenant, on sait que nous avons, chacun a pour lui. Mais bon, c'est de savoir seulement ou bien. On ne voit pas, on ne sait pas où il est positionné, tout ça. Quel est ton objectif de le savoir? Dieu a dit que tu évites de faire cela, parce que si tu fais cela, parce que tu ne maîtrises pas les lois du ciel, ce qui va te faire, c'est que tu vas aller te prosterner devant les étoiles, devant les armées célestes. C'est ça donc, c'est pour ça que Dieu demande aux gens d'éviter quoi, ce que vous appelez l'astrologie, quoi, l'horoscope, parce que l'horoscope se base sur cela. C'est cela qu'on cherche, quand on donne le nom de ta naissance, quoi, la date de ta naissance, avec cela, il y a le bruit chez la cyclodon, il y a le bruit chez la cyclodon. Lorsque vous avez votre écouteur là, ça devient sensible. Si ça glisse sur votre pain ou sur n'importe quoi, ça capte ce bruit là. Donc, je tente de le dire. Donc, lorsque Dieu dit dans la Bible, en parlant de l'astrologie, l'horoscope dont on va éviter, vous savez qu'on parle des signes astrologiques ici dans la Bible, n'est-ce pas? Vous connaissez les 12 signes des zodiacs? La Bible parle de cela. Oui. Voilà. Quand la Bible parle des 12 signes, je ne savais pas. Si vous ne savez pas ça, hein? Non, ça se trouve où? Il y a les Louis Segond et les Dabi là-bas. Ne vous inquiétez pas, ils vont tout vous donner. Ouais, pourquoi c'est important de lire la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'on est frappé souvent quand on dit certaines choses, on dit que, où est-ce qu'il peut chercher cela? Oh, ça se trouve là-dedans. Donc la Bible parle dans ce livre de Job justement des signes des zodiacs. Et ils sont 12, la constellation des 12 signes des zodiacs. Dieu évite seulement le Christ. C'est 7. Les gars, c'est concerté là-dedans. Que Dieu bénisse. Si Anna a été, sa fille a été concertée comme ça pour donner les bonnes choses à l'église, ça devait être très bien. Donc, Job, c'est Job 38, verset 32. Voilà. Lui, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Il dit le couple a trouvé. 38, 32. La sœur, elle va lire, puisqu'elle ne savait pas que c'était dans la Bible. Il faut qu'elle prenne à connaissance de ça aujourd'hui, déjà. Ok. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Bon, c'est écrit zodiaque, effectivement. Ok. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Verset 9 et 10. Alors, verset 9 et 10. Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Voilà. Donc nous voyons effectivement que la Bible parle donc des signes des zodiacs. Et ici, ça, c'est Dieu qui en a de parler ici. C'est Dieu lui-même qui en a de parler. Vous voyez? Et il dit qu'il a mis des lois dans le ciel et les lois qui sont dans le ciel règlent le pouvoir sur la terre. Amen. Vous avez vu cela? C'est cela. C'est incompréhensible de comprendre comment Christ, le Sauveur, naît et ce sont les satanistes qui détectent. Comment nous avons vu son étoile. Et nous avons vu son étoile. Cette étoile-ci brille différemment. C'est une étoile qui forme une constellation différente. Quand ces gens d'étoiles, si cette forme cette constellation, c'est qu'il y a un grand événement qui est en train d'arriver sur la terre. Quelqu'un de spécial est en d'arriver sur la terre. Il faut qu'on le repère, cette personne-là. C'est donc pour cela que Dieu nous interdit d'aller dans les signes des zodiacs de calcul avec les signes astrologiques. Si vous êtes entre telle période, le signe qui vous fait, c'est poisson, ou bien taureau, quoi, panthéon, c'est quoi, c'est scorpion. Alors, quand vous voyez ces choses-là, on commence à vous catégoriser. Et on va commencer à dire des choses qui sont vues, qui soient vraies. Parce que ce qui émane là-bas, oh, les rayonnements, ça émane pour vous conduire sur la terre. Maintenant, le Saint-Esprit vient au milieu et transforme l'intérieur d'une personne pour que cette constellation-là n'ait pas d'influence négative sur lui. Au point où maintenant, les informations que l'étoile produit, c'est l'information que Dieu veut. C'est pour ça que quand les gens font même la constellation pour aller faire les enfants du Seigneur, ils ne parviennent plus à le voir parce qu'ils sont cachés en Christ. Amen. Voilà. Maintenant, et si il vous dit maintenant qu'ils sont aussi soleils, alors, qu'est-ce que vous direz? Comment? Que vous êtes aussi les soleils. Soleil. Est-ce que je peux poser juste une question? La lumière. Pose juste la question, ma soeur. Par rapport, effectivement, aux étoiles dans Genèse 15, verset 5. Là. Oui. Mais, en fait, ce que je veux comprendre, c'est les étoiles. Il a dit, si tu comptes les étoiles, c'est comme ça, telle sera ta postérité. Oui. Et le frère a dit, c'est les hommes. Oui. Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que ces hommes-là, c'est tous les hommes? Ou c'est que les chrétiens? Bonne question. Galates chapitre 5. Allons-y en Galates. Chapitre 3 d'abord. Belgique dans la sainteté. Quand je travaille avec vous, je suis tellement content parce que vous avez des excellentes questions. Galates. Prenons le chapitre 3. Hein. Verset 16. On va lire le verset 16, puis le verset 29, et ça va régler le problème. Donc, la 3, verset 16. 16 et puis 29. Donc, quand tu finis 16, tu vas à 29. Allons-y. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ah, okay. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est fort. Or, maintenant, remarquez, rentrons dans ce Genèse chapitre 5, chapitre 15, lisons la façon dont on a parlé là-bas, la façon que Dieu a parlé là-bas. L'apôtre Paul nous dit que on n'a pas parlé au pluriel. Vous voyez pourquoi j'insiste souvent dans les enseignements que faites attention, ici ce n'est pas le pluriel. Ici on parle au singulier, ça veut dire telle ou telle chose. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Genèse chapitre 15 encore, et allons-y effectivement au verset 5 là où il a parlé de ces choses-là. Vérifions que c'est, en fait, ce n'est pas le pluriel. Qu'est-ce qu'il dit, remarquons? L'étoile est pluriel. Et après l'avoir conduit. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, et si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Il n'a pas dit telle sera. Étoiles. Plusieurs étoiles à une seule à ta postérité. Ouais. Exactement. C'est donc pour cela, mes chers frères, si je fais du mal à Anmi, c'est à Christ que je fais. Si je fais du mal à Ré, c'est à Christ que je fais. Si je fais du mal à Félicité, c'est à Christ que je fais. Vous y êtes. Donc faisons attention, tout simplement. Autre question. La sœur, c'est quoi? C'est choquant. Bon, pas choquant, mais c'est touchant, quoi. C'est surprenant. En tout cas, le message là, il est fort, quoi. Oui, c'est. Moi, je suis dans la joie quand j'écoute ça. Non, mais c'est touchant. Bon, c'est très touchant. Je vous ai déjà parlé dans mon histoire. Vous avez entendu mon histoire. J'ai parlé des trois étoiles qui s'étaient positionnées. Vous avez suivi ça, vous m'avez suivi parler de cela. Oui. Dans mon petit témoignage, j'en ai parlé, j'en ai fait mention de trois petites étoiles. La sœur elle est très forte. Elle a même donné la ville où j'ai parlé de cela. Bon, continuons. Bon, autre question. Belgique dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Christiane, tu n'as pas de questions? Ou bien, dans le silence, le sommeil l'a pris. Ah ben, même si tu es en train de dormir, tu es dans le bon Seigneur. Bon. La sœur Claudon est encore là. C'est... Oh non, je suis là. C'est parce que je n'arrivais pas de... Ok. La sœur Suzanne Claudon, elle est là aussi. Je suis là. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donnez où je mets encore, hein. De donner encore. Oui, donnez. Okay. Je peux donner si vous voulez, je sais pas. Okay. Mais je sais pas, c'est, ça doit être vite fait, je pense. Parce que j'ai suivi l'enseignement sur Élie est parmi nous. Oui, c'est ça. Oui. En fait, mon problème, c'est donc Malachie 4, verset 6. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est que. Une partie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Oui. Ça, c'est la première partie, et ça, c'est Jean-Baptiste. Oui. La deuxième partie, c'est il ramènera le cœur des enfants à leurs pères. Oui. Je n'ai pas compris qui sont les pères, qui sont les enfants. Bonne question. Ça veut dire que les deux personnes différentes parlent de deux groupes différents. De l'autre côté, exactement. Jean-Baptiste ramenait qui vers qui? Quoi vers quoi? Ça, je n'ai pas compris, en fait. Non, il ramenait là, Jean-Baptiste ramène les cœurs de qui? Ah, Jean-Baptiste ramène le cœur des pères aux enfants. Et l'autre ramène le cœur des enfants. Des enfants aux pères. Ça ne peut pas être le contraire, parce qu'il ne peut pas dire que les enfants des pères, les cœurs des enfants aux pères et aux pères des enfants, parce que sinon il va les faire retourner encore sous la loi. Tu vois cela? Et voilà, c'est ça, ce truc de la loi. Il y il y a deux dispensations. Il y a deux dispensations. Jean-Baptiste veut mettre fin entre la, il veut mettre le pont entre l'ancien et la nouvelle alliance pour que l'ombre et la réalité correspondent, d'accord? Maintenant, souvenez-vous effectivement de ce qui se passe. Avant que Jean-Baptiste ne vienne, la loi a été déjà totalement bafouée. On dit donc qu'il va faire ramener le cœur de quoi? Le cœur des pères aux enfants. Ça veut dire qu'il est ramené comment? J'ai pas compris la question. Ça veut dire qu'il va les ramener comment, mes soeurs? Il va faire quoi pour que les gens puissent croire au Seigneur? Il va les amener à la repentance. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 19, que Moïse vous a prescrit la loi et aucun de vous, nul de vous n'obéit à la loi, n'observe la loi. Nul. Jésus, c'est sans équivoque. Nul n'observe la loi. Voilà la loi qui est donnée. C'était tellement bafoué au point où il n'y avait plus de prophètes. Par conséquent, chacun livrait, se livrait comme il voulait. Jean-Baptiste devait revenir maintenant faire des transactions que la foi originelle pour les authentifier que ce qu'on avait dit dans la foi, malgré qu'il y ait cette perversion-là, la foi, quoi, la loi a conduit à la foi. La foi, la personne dont la Bible parlait est en train de venir sur la scène. Il les ramène, malgré qu'il y avait cette perversion, il ramène leur cœur donc à cette authenticité-là. D'accord? Vous y êtes? Maintenant, lorsqu'il quitte la scène, allons dans le livre de Luc. Allons dans le livre de Luc. Remarquez très attentivement quand l'ange va dire à son papa là. Vous souvenez de ça, non? Oui, oui. Chapitre 1 là-bas. Luc chapitre 1. Verset 14, 15 et 16 et 17. La sœur Christiane est partie. Pourquoi sa connexion dérange? Chapitre 1 de Luc, verset 14, 15 et 16 et 17. La sœur Reine, lis-nous cela. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et marchera. Et les cœurs. Je crois qu'il y a eu quelques blocages de connexion là. Le verset 16. Oh là, oh là, oh là. Alors, la connexion s'est stabilisée. Verset 16. Verset 16 et 17 encore. Verset 16 et 17 encore, la connexion s'est interrompue. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Parce que le peuple avait été saccagé par toutes ces choses doctrinales que les pharisiens et autres là-bas dénominationnels de l'époque avaient installé. Et la Bible déclare donc qu'avec la puissance d'Élie, il est censé faire venir les cœurs des pères vers leurs enfants. Abraham, le cœur, la foi des pères, initialement, ce que les pères avaient promis qui viendrait, ça va venir et préparer tout ce qui était rebelle, il va les rectifier pour qu'ils croient au Seigneur. Parce que l'écriture que les Juifs avaient authentifiée, qu'un agneau viendrait pour ôter le péché du monde. Vous voyez? Et donc, quand vous lisez, vous regardez dans Malachie, c'est une partie de Malachie qui est écrite là-dedans. Ce n'est pas les deux. Maintenant, on dit, il ramenait le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères. Ça ne peut pas être comme ça. On ne peut pas encore faire, parce qu'on fait quitter les gens de la loi pour amener dans la foi. On peut quitter quelqu'un de la foi pour entrer dans la loi. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vous allez toujours prendre la Bible en symétrie. C'est-à-dire que ce qui est dans l'ombre doit se trouver dans la réalité. Vous voyez effectivement que dans l'ombre, il y a eu une perversion et quelqu'un était venu restaurer pour que le Seigneur vienne chercher. Vous voyez ça? De la même façon, ça veut dire que dans le cadre des chrétiens, dans le cadre de la nouvelle alliance, il y a eu aussi une perversion et quelqu'un va venir pour restaurer de la même façon pour que le Seigneur vienne les chercher. C'est la même façon. Vous voyez? Les apôtres là. Absolument. Ça veut dire qu'il faut maintenant faire revenir maintenant sur la foi authentique des apôtres. Et vous entendez ce message donc maintenant, retournez à la parole originelle. Retournez à la foi primitive. retourner à la foi primitive. C'est ainsi, voilà donc cette voix qui crie là, cet esprit qui crie sur la terre, pour faire retourner les gens à la doctrine des apôtres. C'est de ça dont il est question, en clair. Amen. Voilà. Maintenant, oui. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19 et 20. Qu'est-ce que ça dit? La sœur amie, ça va? Oui, ça va. Que Dieu te bénisse. Je crois que ce que j'en ai dit là, il est déjà dit dans plusieurs enseignements. Verset 19. Acte 3, combien? Acte chapitre 3, verset 19, 20 et 21. Ok. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a destiné, qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Vous voyez, effectivement, l'apôtre Pierre dit ici que Dieu parle, que Dieu a dit par la bouche des saints prophètes qu'il y a un temps de rétablissement. Donc, il doit rester, que le ciel continue. C'est pas fini là. Moïse a dit, oui. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Voilà, c'est bon. Et quiconque... Ne t'écouterai pas, sera puni de mort. Alors, vous voyez effectivement que dans l'Ancien Testament, et pas dans l'Ancien Testament, il prend des passages pour dire clairement que le Seigneur doit rester au ciel jusqu'à ce que le rétablissement ait lieu. Il y a le rétablissement chez les Juifs parce que dans le chapitre 1, ils ont demandé au Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Et le royaume d'Israël doit être rétabli. Mais on dit qu'il doit rester au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Quand toutes choses seront, le moment de rétablir toutes choses sera là, il viendra. Donc c'est promis comme ça. Dieu a dit cela dans la bouche des prophètes. D'accord, la sœur Ray? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Autre question? Ok, je voulais savoir quel lien il y a entre les 12 ans de la fille de Jaïrus et les 12 ans de la femme qui perdait le sang. Ils sont familiers? Mais c'est 12, je ne sais pas pourquoi ça s'est positionné dans la... Si on avait mis 13 ans, tu m'aurais posé la même question. Nous sommes d'accord? Parce que bientôt, tu vas me poser la question, pourquoi 40 ans dans le désert, 40 jours de jeûne, 40 jours pour Moïse, 40 jours de marche, n'est-ce pas mon frère? C'est ça. Oui, pourquoi 40 tous les jours? Le moment vient, je vais vous parler de la numérologie biblique et les symboles. On va faire tout un enseignement là-dessus, d'accord? D'accord. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Je vous vois venir. Ça veut dire que vous avez là beaucoup mangé. Vous êtes mati pour comprendre donc certaines choses dont déjà. Le moment viendra, je vais vous les expliquer. Continuons les questions. Ok. Il y a une autre question encore. Bethshemesh. Pourquoi Bethshemesh a été frappé par le Seigneur? Quand tu parles comme ça, il faut parler en mettant les gens dans le bain. Ma soeur Ray, est-ce que tu connais ce qu'on appelle Bethshemesh? Voilà. C'est qui Bethshemesh? La soeur Amie, tu connais Bethshemesh? Oui, Samuel. Non, peut-être que j'ai déjà lu, mais que j'ai oublié. Donc, soeur, ça ne me dit rien pour le moment. La soeur Christiane, tu connais Bethshemesh? C'est pourquoi elle doit dire l'histoire ou lire le verset, peut-être que je connais, mais que maintenant ça me dit pas. Allons-y dans le livre long de Samuel. Samuel. Vous voyez effectivement que c'est pour cela que même dans des assemblées, souvent, il y a des disputes parce que les gens ne parviennent pas à regarder la maturité de tous ceux qui y sont. Vous pouvez poser une question. Il y a des questions que vous posez et détournent parce que c'est que certaines personnes ne sont pas encore mises pour recevoir telle chose. Je renvoie. D'autres personnes, je suis obligé de dire, regardez la première question que la sœur Amie a posée. Elle a dit, que veut dire à celui qu'on donnera beaucoup? Je lui ai donné directement le passage pour qu'on parte lire là-bas, pour que tout le monde soit dans le bain, afin qu'on puisse répondre. Vous voyez? Allons-y, madame. Allons-y. Un Samuel, frère. Oui, un Samuel 6, 19. Un Samuel, chapitre 6. Moi, je ne connais pas, pourtant j'ai même déjà vu Samuel. Oui, peut-être l'histoire, ça va nous rappeler. Parfois, on lit, mais on oublie. Oui. Quel chapitre, pardon? Chapitre 6. Ok, merci. Verset 19. Là-bas, on parle de l'âge de l'Éternel qui avait été transporté et mis dans leur champ là-bas. Il cultivait là-bas. Allons-y rapidement, le frère Tabi, on lit. À partir du verset 13. Hein? À partir du verset 13. À partir du verset 13, je vais lire. Les habitants de Bêche et Mèche moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levaient les yeux, aperçut l'arche et se réjouit en la voyant. Les chars arriva dans le champ de Josué de Bêche et Mèche et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Bêche et Mèche offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les cinq princes des Philistins, après avoir vu cela, retournaient à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnaient à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux cinq chefs, tant dans les villes fortifiées que dans les villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué, de Bêche et Mèche. L'Éternel frappa les gens de Bêche et Mèche lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi les peuples. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Bêche et Mèche disent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyaient des messagers aux habitants de Kiriat Yarim, Kiriat Yarim, pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » Voilà, maintenant nous avons l'histoire. Maintenant, frère Trabi, tu peux poser ta question. La question, c'était pourquoi Bêche et Mèche a été frappé. Bêche et Mèche, c'est une contrée. Ce sont les habitants de ces contrées qui ont été frappés. Donc, pourquoi Dieu fait tuer donc, les gens de ces contrées-là, n'est-ce pas? L'âge de l'Éternel devait rester là-bas. Non. C'était une ville païenne, non? Non. Même en milieu de ça, alors vous allez ouvrir Lévitique, voir. C'est pas une ville païenne, mais je ne sais pas pourquoi ça a été frappé. Non, il n'y a pas de problème. Mais même Isaac qui est mort par site, que Dieu l'a brûlé là-bas, ce n'était pas quelqu'un de païen, n'est-ce pas? C'est ça. Ça qui m'a étonné dans la fête. Lévitique, chapitre 10. Verset 1 et suivant. Rapidement. La sœur lit alors verset 1 et suivant, jusqu'au verset 7. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Stoppons d'abord là-bas et comprenons très attentivement ce qu'est l'arche de l'Alliance. Ça, c'est un autre grand enseignement qu'on pourrait faire. Lorsque le Seigneur va venir, vous allez remarquer que lorsqu'il est mort, le temple, le voile du temple était déchiré, n'est-ce pas? Parce que le voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur seul entre une seule fois par an, n'est-ce pas? Amen. Dans le lieu très saint, qu'est-ce qui se trouve là-bas? L'arche. Donc, dans le lieu très saint, où le rideau crée une séparation pour que ceux qui sont d'un côté ne voient pas cet âge-là, il y a quoi de derrière le rideau? La présence de l'Éternel. C'est-à-dire dans quoi? L'arche. Dans l'arche. C'est l'arche qui symbolise la présence de l'Éternel, n'est-ce pas? Rentrons dans 1 Samuel chapitre 6, voyons quelque chose encore. Chapitre 6. Lisez le verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Stoppons là-bas. Soulignez ça. Ok. Vous avez vu dans le problème, n'est-ce pas? C'était tellement fort au point où même les personnes qui devaient arriver devant l'arche de l'Éternel devraient être saints, parce qu'en fait, c'est le lieu très saint là-bas. La Bible déclare que Dieu a fait frapper le fils d'Aaron qui avait l'autorisation d'y entrer parce qu'il entrait avec le feu étranger là-bas dans sa présence. À combien de fois raison les païens qui n'avaient pas été sanctifiés parce qu'il y avait des styles de vêtements qu'il fallait porter pour être dans la présence là-bas, de cette présence-là. Et c'était quelque part positionné dans un champ où un mongolien sort du champ pour cultiver tant les yeux, sans regarder pour l'âge des liens. Dieu n'est pas vulgaire. Le Dieu de la Bible n'est pas vulgaire, en clair. D'accord? Donc, en clair, pourquoi il les a fait tuer, frère Tabis, tu as bien saisi? Il les a fait tuer parce qu'ils ont regardé l'âge. Donc, ce n'est pas permis à tout le monde de regarder l'âge, d'accord? Même parmi les livres. Ouais, ouais. Si tu t'aventures à aller regarder cela sans être sanctifié et être préparé pour cela, il va te tuer de la même façon. C'est ce que Moïse a dit, que c'est ce que Dieu a dit en disant que je serai sanctifié par eux. C'est pour ça que Aaron lui mettait cette chose, cette tiare là où on a écrit sainteté à l'Éternel. Amen. Il y a une chose dont Dieu ne fait pas de compromis là-dessus, c'est sa nature de sainteté. Amen. Voilà. Autre question. Donc, c'est à cause de ça il devrait fabriquer un nouveau char pour pouvoir mettre l'âche là-dessus et prendre des veaux qui n'avaient pas encore travaillé dans les champs, tout ça, pour pouvoir porter l'âche. C'est à cause même de ce que tu as décrit là que Dieu va tuer Uzza, justement. Parce que Dieu avait ordonné que lorsque on va traverser, on va porter l'âche de l'Éternel n'importe où, ce soit quatre lévites qui les portent avec des barres sur les épaules. On ne devait pas transporter ça autrement. Vous voyez? Et ils sont allés faire le char neuf, justement, ça a tué les gens. Et quand ça va tuer les gens, ils vont consulter le prophète Nathan. Le prophète Nathan va leur dire que ce sont les Lévites, c'est aux Lévites de transporter ça comme Moïse l'avait ordonné. Donc quand Dieu avait dit, quand vous voulez porter l'âge de l'Éternel, c'est quatre personnes qui doivent le porter sur leurs épaules et ce sont des Lévites. Si vous avez trois Lévites et il y a une personne là-bas qui est de la tribu de Judas comme Gédéon ou bien comme Trabi, tu dis que non, complétez avec Trabi, il craint l'Éternel. Va mettre les épaules là-bas, tu vas voir de quoi il est question. Vous voyez, il fallait que ce soit la première instruction. Oui. Est-ce parce que c'était pas c'était les Philistins qui avaient donné, non? Oui, mais les pour les Philistins, Dieu les avait déjà frappés d'hémorroïdes et tout autre chose. Vous avez dit cela, il les a corrigés. C'est pour ça que les princes des Philistins, c'est-à-dire les magiciens là-bas, ont jeté le courrier pour savoir ce qu'il faut faire. Ils ont offert les souris, les dieux, les dieux d'or, ainsi de suite. Ils pouvaient faire ou pas faire autrement que de donner ce qu'ils peuvent donner. Ils ont poussé ça, aller déposer ça là-bas, ils ont tiré. Ils ont commencé à regarder par derrière. Ils disent, si le bœuf part, ça veut dire que Dieu a agréé notre sacrifice. Que le Dieu d'Israël est terrible. Alors là, quand ils vont partir là-bas à Kijajarim, remarquez très attentivement, si vous lisez le chapitre 7 de 1 Samuel, 20 ans vont se passer et que le prophète Samuel va venir maintenant, Dieu révèle que l'une des choses causes pour lesquelles il a dit de juger Israël insiste parce qu'il se trouve les Astartés au milieu d'eux avec les dieux Baal. Il va leur demander de se sanctifier, que si vous vous tournez de tout votre cœur, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Parce que Dieu avait dit dans le livre des Exode chapitre 20, quand il donnait la loi à Moïse, que tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir Dieu autrement avec d'autres dieux. Et donc là, Israël va se sanctifier, vont se séparer des dieux étrangers. Quoi? Le prophète Samuel va prier pour eux, Dieu va les exaucer. En fait, ça, qu'est-ce que ça nous implique aujourd'hui? On ne peut pas avoir un cœur saint, l'endroit de la sainteté dans notre cœur, et nous chérissons du monde. Ce n'est pas possible. L'amour du Père est point à nous. C'est la même chose qu'il a dit de parler là. Amen. Bergie dans la sainteté. Bonsoir encore. Bonsoir à notre frère Junior. C'est intéressant. Concernant Jonathan et son père, est-ce qu'il avait désobéi à son père concernant bon, le passage c'est 1 Samuel toujours 14, 24 à 29. Oui. Quelle est la mission que son père lui a confiée? Qu'est-ce que son père lui a dit? Son père avait donné une instruction de ne pas manger. Oui. Non. Et lui, il a... Est-ce qu'il a donné l'instruction que personne ne doit manger et que Jonathan a écouté? Est-ce qu'il était présent dans cette instruction? Non. Il n'était pas là. Voilà. Donc, il faut faire attention à la façon dont tu poses les questions, parce que ça peut égarer les gens qui sont en train d'écouter. C'est pas que Jonathan a désobéi. Il a dit déclare qu'il y avait le combat. Ils ont dit que personne ne mette quelque chose dans leur bouche en ces jours-ci. Jonathan n'était pas là parce qu'il était allé dans une autre partie de guerre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont fait un serment devant le Seigneur parce qu'il fallait résoudre le problème de guerre qui se positionnait avant de manger. Jonathan n'ayant pas appris. Bon, quelle est la question maintenant? Maintenant, le problème, c'est que Jonathan a dit n'écoutez pas le père quand il trouble. C'est une part qu'il a dit comme ça. Attends, je veux voir. Attends. C'est pourquoi je veux voir si sa manière d'agir, sa manière de faire. Attends, je vais aller là-bas. Samuel 14. La sœur Suzanne est encore là et la sœur. Oui, je suis là, mon frère. J'écoute. Voilà. À partir du verset 14, combien? 1 Samuel 14. Oui. À partir du verset 27. Souviens-toi que dès le départ, le peuple avait fait un serment devant le Seigneur. C'est pour cela que lorsqu'on va voir qu'il y avait l'opprobre, justement, on va faire le tirage au sort, ça va tomber dans la maison du sol, justement. Et puis on va prendre maintenant là, et on va trouver le cadre. On va, je crois que ce serait bien de lire, n'est-ce pas, la sœur, parce que tu fais là comme Mozart. Ok. On va lire à partir du verset 24. Alors, la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saul avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était... Vous verrez que c'est là où ça commence. Il avait fait jurer, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Je crois que dans l'enseignement sur le mariage, j'avais parlé du serment. Comment le serment est devant le Seigneur. C'est aujourd'hui qu'on néglige le serment n'importe comment. Il est dans le combat, il sait effectivement qu'il faut qu'il tire vraiment ses ennemis, il réunit le peuple, parce que c'est le chef du peuple, il dit personne ne bouffe de la nourriture, vous êtes d'accord? Tout le monde dit il est d'accord. Et puis là, il a fait jurer tout le peuple. Et là, quand Dieu fonce avec Israël, quand le peuple décide, le roi décide et que tout le peuple est d'accord, ça engage tout le monde, que tu sois là-dedans, que tu ne sois pas, ça vous engage. Vous voyez? Oui. Continuons. Okay. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Soulignez car le peuple respectait le serment. Soulignez ça, c'est très important. Voilà les versets de la Bible que vous devez vraiment souligner et y méditer. Pas aujourd'hui qu'une jeune garçon dit que Chantal, je t'aime, je vais t'épouser. Après demain, il dit que j'avais fait l'erreur. Moussima, c'est toi. Vous voyez? On dit ici que je vais t'épouser. Demain, on dit que c'est pas ici que je vais t'épouser. Il faut qu'on corrige les chrétiens avec cette histoire de serment et de l'alliance. Franchement, il faut qu'on soit renseigné. D'accord? Vous voyez ce qu'on a dit? Ça veut dire que si quelqu'un touche seulement le bout du bâton et mettre le rayon dans la bouche, ça engage tout Israël. Donc, ça veut dire que par conséquent, je dois veiller sur toi qui est mon voisin pour que tu ne manges pas. Parce que si tu manges, je serai coupable aussi. Vous voyez ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Continuons la lecture. Jonathan ignorait le serment que son avait fait. Soulignez également ça. Le verset 27, la partie A du verset 27. Soulignez encore ça. Jonathan ignorant, dit clairement. C'est dans cette ignorance-ci qu'on va trouver la solution par rapport à ce qui va se passer à ta question, le frère Trabi. D'accord? Parce que quand il a fait le serment, son fils n'était pas là parce qu'il était dans un avant-poste avec les autres groupes de soldats. Parce que quand son père allait combattre, il ne combattait pas au même endroit. Il prenait un groupe de soldats pour aller dans un endroit et pendant que l'autre il allait défendre à un autre endroit. Continuons. Il avance le bout du rayon et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Alors, Quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple » en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture. » Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ? Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué. Et il le jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs, il les égorgea et il en mangea avec le sang. Soulignez. On le rapporta à Saul et l'on dit, voici, le peuple pêche contre lui. Attendez. Et il soulignait et il en mangea avec du sang, avec le sang. Notez tout juste à côté, Lévitique chapitre 17, verset 1 à 10. Notez tout juste à côté. Lévitique 17, verset 1 à 10. Continue la lecture, maintenant, ma soeur, verset 33. On le rapporta à Saül. Et l'on dit, voici, le peuple pêche contre l'Éternel, en mangeant avec le sang. Saul dit, vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, répondez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis, et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite, et vous ne pêcherez point contre l'Éternel. En mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main, afin de l'égorger sur la pierre. Saul bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saul dit, descendons cette nuit après les Philistins, pilons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un de reste. Ils dirent, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saul consulta Dieu, descendrai-je après les Philistins, les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. À cause du péché. C'est pour ça que la réponse n'est pas venue. Ouais. Continuons. Saul dit, approchez ici, vous tous, chef du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté, et moi, Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saul, fais ce qui te semblera bon. Saul dit à l'Éternel, Dieu d'Israël. Vous voyez là, la démocratie peut nous conduire, non? Continuons seulement. Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saul furent désignés et le peuple fut libéré. Saul dit. Donc c'est les deux là qui sont coupables, n'est-ce pas? Continuons. Saul dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Oui. Saul dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Donc, ça veut dire que, le renseignement ne lui était pas parvenu qu'il a fait manger le royaume du miel au peuple qui était dans le champ. Il a pris et les manger. Donc, il ne savait pas ce qu'il avait. Et là, il a fallu qu'on passe au Tourim et on consulte l'Urim et le Tourim pour pouvoir arriver à désigner la personne. Parce que c'est la façon dont ça s'est passé ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? Continuons. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. Et Saul dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, et si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saul, quoi? Non, pas quoi. Quand tu lis, c'est une histoire qui est vivante. Quoi? C'est une histoire qui défraie la chronique, donc ça c'est le débat. Vous voyez? On dit, quoi? Donc tu veux tuer Jonathan, un combattant comme ça? Voilà, allons-y, lisons, ouais. Ma soeur. Le peuple dit à Saul, quoi? Jonathan Mouret, lui qui a été opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant et ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il agit dans cette journée. Stop, ainsi, stop, le non, peuple non, sera non, non, non, stop, soulignez cela, car c'est avec Dieu, soulignez cela. Hein, mon cher Trabi? Ouais, mais c'est... Mais quoi? C'est un peu noué partout, partout. Oui. Oui. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Mmh. Saul cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Soulignez ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Mais j'ai une question, s'il vous plaît. Non, c'est mais pas, c'est pas... En ce moment-là, est-ce que... Pardon. Oui. Est-ce que Dieu est avec le peuple ou pas? Bonne question. Qui répond à la question? Là, pour ce, dans ce cas, Dieu est avec le peuple parce que l'action que Jonathan avait posée, c'était une bonne action. Quelle action? D'accord. Quelle action? L'action... Ah, de... il a sauvé le peuple, en fait. Il a sauvé... En brisant le serment. Et pour le combat. Hein? Oui. Celui qui avait commencé ce combat, l'initiative du combat, c'était Jonathan. Donc, ça veut dire qu'à cause du combat, comme il a sauvé le peuple l'a sauvé aussi. N'est-ce pas? Non, il était avec l'Éternel. C'est avec l'aide de l'Éternel qu'il a pu... Il pose la question. En fait, c'est loin. Moi, il vous pose la question. Avec Dieu qu'il agit ainsi, il ouais. agit avec. Il y a un endroit que le peuple a dit, que je vous ai demandé de souligner dans le verset, verset 45, la partie C. Là où le peuple a dit qu'il ne tombera pas un de ses cheveux. Car c'est avec. Car c'est avec. Dieu. Avec Dieu qu'il agit dans cette journée. Ah oui, exact. Ça, Amen. Alors maintenant, là, ça, je vous pose une question. Et c'est sur ça que je vais sortir autour de cette question. Si je vous pose la question. Et le serment, qu'est-ce que Dieu en fait par rapport au serment qu'ils ont pris? C'est ça, justement. C'est pourquoi ma question vient là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est entre Jonathan et Saül, en fait, qui en fait est coupable? Or, Saül a fait le sang là-bas. Saül a mangé, a permis que les gens mangent les animaux là-bas avec le sang. Pourtant, c'est interdit dans la loi. Avait-il donc le droit d'abord de bâtir l'autel pour faire le sacrifice pour le peuple, pour expier le peuple, en tant que, alors qu'il y a les sacrificateurs? Non. Ah oui, non. Belgique. Lui-même, il était juste coupable. Le chef était déjà coupable. Voilà. Donc, quelles leçons ont-ils dans ça? Il y a plusieurs leçons. Tu n'aimes pas manger d'abord la viande avec le sang sur ça. Voilà une autre leçon. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, Jonathan aussi devait respecter le serment. On doit faire attention. On doit faire attention avec je vais prendre un exemple simple. Avez-vous lu dans la Bible où les Juifs sont en train de demander au Seigneur en disant pourquoi ces disciples mangent sans se laver les mains? Oui. Vous avez vu la référence qu'il a pris. Voilà. Vous avez vu la référence qu'il a pris par rapport à David et à ses disciples lorsqu'ils sont allés manger le pain des propositions. Oui, avec les pains. Voilà. Je vous pose la question. Quand vous lisez la Bible est intransigeante dessus. Si quelqu'un mange et qu'il n'est pas sacrificateur, il doit mourir, n'est-ce pas? Oui, amen. Je veux qu'on m'explique pourquoi David a mangé avec ses hommes et il n'est pas mort. Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde. La grâce. Alors, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et non au sacrifice. Maintenant, la Bible déclare donc que la miséricorde triomphe du jugement. Oui. Amen. Celui qui est miséricorde est le Dieu juge. Donc, lors de son jugement, la miséricorde triomphe. Et dans ce cas-là, le cas du peuple, c'est la miséricorde qui a été manifestée. Amen. D'accord. Vous comprenez cela? Parce que Jonathan n'a pas agi par rébellion, il a agi par sagesse pour pouvoir sauver le peuple. Parce que ce n'est pas normal que les soldats partent pour combattre l'autre soldat, ils dorment affamés, sinon ils seront faibles. On va les dominer, le peuple d'Israël va se perdre. Et donc là, la miséricorde a été manifestée. Amen. Et le Père n'a pas mis la miséricorde sur Israël. C'est quoi la sœur Christiane sort d'où là maintenant là? Hey, ça, ça vient de commencer. La sœur Christiane, qu'est-ce que tu dis? Et vu que le Père n'a pas eu de miséricorde pour le pauvre Isaac là, qui a touché, il avait une bonne volonté, hein, mais le Seigneur il n'a pas activé la grâce de miséricorde pour lui. Si nous, comprenons ça, la façon de Dieu de miséricorde pour pouvoir le faire, comment Dieu manifeste la miséricorde, la Bible déclare, soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste aussi est miséricordieux. Quand on dit comme votre Père Céleste est miséricordieux, mais restons tout simplement dans cette phrase-là et commençons à méditer. Comment Dieu manifeste sa miséricorde, vous voyez? Et on essaie de voir, on dit qu'on soit miséricordieux comme lui. C'est vrai, on dit que, je vais encore vous donner encore un autre exemple pour vous comprendre. Jésus, notre Seigneur, a posé encore la question aux sacrificateurs et aux pharisiens, en leur disant que ne savent pas que le jour du sabbat, les sacrificateurs transgressent le sabbat sans se rendre coupables. Vous avez lu cette expression-là dans la Bible? Comment est-ce qu'ils transgressent le sabbat sans se rendre coupables? Comment? Jésus leur dit que, en fait, si vous voulez bien comprendre la loi, eux-mêmes ils transgressent la loi du sabbat sans se rendre coupable. Ça veut dire que la transgression, c'est quelque chose que tu désobéis. C'est-à-dire que tu fais une faute. Mais c'est une faute. Normalement, tu fais la faute, mais cette faute-là, tu n'es pas coupable. Donc, en même temps, il faute, en même temps, il ne faute pas. Parce que la loi de Dieu dit, chaque personne doit faire son œuvre en 6 jours et le 7e jour, il doit se reposer, par exemple. Le sacrificateur, son rôle, c'est de faire quoi? Faire obéir les commandements. Donc, en offrant des sacrifices du lundi jusqu'à samedi, il est censé se reposer aussi le samedi. L'autre loi lui dit qu'il ne doit pas cesser d'offrir les sacrifices. Donc, l'autre loi lui dit qu'il doit se reposer de ses œuvres. L'autre loi lui dit qu'il doit cesser d'offrir le 7e jour. Bon, il doit faire quoi maintenant? Il doit continuer à offrir. Donc, c'est pour ça que Jésus donc dit que il transgresse le sabbat sans se rendre coupable. Parce qu'il y a la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Berger dans la sainteté, bonne soirée. Amen. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Vous êtes fatigué? La sœur doit se reposer, elle doit aller au travail demain. Amen. Ça fait 2h16 que nous travaillons, n'est-ce pas? Ça passe tellement vite, j'ai pas l'impression que ça fait même 2 heures. Ah ouais, c'est clair. Que la bonté de notre Seigneur repose sur vous. Amen. Amen. Bon, nous prenons alors 2 ou 3 questions encore, c'est ça, non? Je pense que j'ai une petite question. Oui, une petite seulement, comme ça tu donnes une petite réponse, ma soeur. Amen. Alors, c'est dans 1 Timothée 5, verset 14. Oui. Alors, 1 Timothée, chapitre 5, verset 14. Allons-y, ma soeur Claudon. On veut que tu te maries, que les jeunes se marient, que la soeur amie se marie, que la soeur reine se marie. Amen. Que la soeur reine se marie. Qu'est-ce que j'ai dit? On a dit qu'elle est jeune. Elle n'est pas jeune. J'ai dit qu'elle est mariée, non? Bon. Moi, tu es encore mariée. Ah oui, on est mariés à Jésus-Christ pour le moment, oui. Bon, l'avocat de Jésus, l'avocat de notre soeur est venu. Lisons le verset 14. Saint Timothée, chapitre 5, non? Dans ce passage, dont on entend le signifier. Timothée 5, verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles disent bien leur maison, ainsi de suite, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ben oui. Voilà. La cycle, donc. Voilà le passage. Oui, alors. Lis d'abord et toi. Je lis d'abord. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore trouvé toi. Ne négligez pas le. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a donné, qui t'a été donné. C'est pas là-bas. 1 Timothée chapitre 5, verset 14. Ah, pardonnez-moi. Oh là là, je suis fatiguée. Vraiment, non. Alors, verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Oui. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Oui. Ma question est la suivante. Oui. Il est question de la jeunesse? Non. Ou c'est toujours dans le cadre de la veuve? Non. En fait, dans ce passage-là, justement, tu fais bien de le mentionner. Là, vous avez vu jeune là, ajoutez là-bas veuve. Écrivez à côté, en haut là, veuve. C'est les jeunes veuves. Ah. Parce que là-bas, il en a de parler. Ça concerne les veuves. Oui, ça concerne les veuves. D'accord. Okay. Parce que là-bas, il en a de parler des veuves. Il parle des statuts des veuves. Si vous prenez à partir du verset 8, il parle des veuves et ce qu'ils doivent avoir fait, comment l'âge. On dit pour les jeunes veuves, il faut les refuser ce rôle-là. Parce que lorsque les veuves les détachent à Christ, ils vont rompre leurs anciens engagements et devenant coupables ainsi. C'est pour ça qu'il a dit refuse les jeunes veuves. Demande aux jeunes veuves que c'est mieux pour elles d'essayer de se marier, qu'elles aient les enfants, qu'elles dirigent leur foyer. Marie. D'accord, c'est jeunes veuves dont c'est les questions là-bas. D'accord, ok. Alors, la sœur. Félicité, lis dans la version que tu avais aujourd'hui là, on voit un peu ce qu'il dit là-bas. 1 Timothée chapitre 5, dans la version parole vivante. Ouais, on voit si ça va vivre ça vraiment là. Chapitre 5, verset 14, c'est ça. Je veux donc que les jeunes peuvent se marier. Voilà, donc ça règle qu'elles le problème. Non, ça va, c'est bon. Qu'elles dirigent. Ça va, c'est règle le problème. Non, il s'agit des jeunes veuves. Ah, d'accord, là c'est précisé. Oui. Amen. Que Dieu bénisse. Ok. Mais parce que ça apporte vraiment confusion. Hein, quand, C'est vraiment, c'était vraiment une petite question, une petite question comme ça, la sœur Suzanne. Oui, hein, je l'avais précisé. Oui. Donc, il y a une autre petite question encore. Oui. Marc chapitre 9, verset 49. Voilà. 9,49. Hein? La sœur Ami va nous lire ça d'abord et puis on va voir ce qu'il en est. Soyez des ambassadeurs de Christ dans votre pays. Représentez-le valablement dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, sachant que lorsqu'on partage, même si on n'est pas physiquement là, vous ne le faites pas, vous ne vivez pas la santé pour une autre personne, vous le vivez pour vous-même et pour le Seigneur. Vivez Amen. Pour, Amen. Vivez pour Amen. Le Seigneur, sachant que devant lui, nous allons nous présenter un de ces jours, d'accord? Amen. Verset 49 du chapitre 9 de Marc, la sœur Ami. Car tout homme sera salé de feu. Oui. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est une petite question. Pose la petite question. Car tout homme sera salé par le salé de feu. Oui, qu'est-ce que c'est? Bon, comme c'est une petite question, la petite réponse se trouve sur Bamba et Bas. Tout homme sera salé de feu. Ça veut dire quoi? Ça a été répondu là-bas pour 8 minutes. Je crois que en suivant cela, ça sera réglé le problème. Autre petite question. D'accord, on va chercher là-bas. Voilà. Alors, je sais que, apparemment, c'était déjà peut-être dans un enseignement, je ne sais pas. Oui. Mais tu avais dit que celui qui sera enlevé le sait déjà, le sait qu'il va être enlevé, qu'il ne passera pas la tribulation. Il le saura. Ah, il le saura. Absolument. À quel moment il le saura? Donc tu veux te dire à quel moment il le saura? Il le saura tout simplement comme Enoch l'avait. Comme Enoch l'avait. Allons-y un peu dans la Bible et voyons cela un peu dans la Bible, d'accord? Après le baptême ou après avoir le Saint-Esprit ou après, il le saura après? Waouh, ma soeur Ami, ne te presse pas, il a dit allons voir quelques passages. On va où? Genèse, chapitre 5. Bon, la sœur Ami. Oui? Tu seras enlevée. Bon, non, non, non, avant de poser Normalement, la je question. dois. Attends, non, attends, je vais poser la question autrement. Est-ce que tu es sauvé? Non par mes propres œuvres, mais par la Non, non, grâce non, de non, ne définis pas, Dieu, oui. ne complique pas tout simplement. La sœur amie veut poser la question autrement. La sœur amie, Oui. tu es une fille ou bien un garçon? Je suis une fille. Tu as vu que tu n'as pas dit que comme j'ai les seins avec les boucles et le contrôle là-bas, je suis une fille. Mon frère, c'est compliqué, Moi, je suis. Genèse chapitre 5. Allons-y, verset 23. Et puis vous préparez Hébreux chapitre 11. Et je reviens à toi, ami. Je pose les petites questions, toutes petites. C'est pour le chapitre. Hébreux chapitre 11. Lisons d'abord Genèse chapitre 5, le verset 23 seulement. La sœur, tu peux nous lire cela? Tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Vous avez vu la façon dont là, la Bible, dans la Genèse, on présente la chose. On dit que tous ces jours, ça veut dire que ce jour révolu était les 365 ans qu'il a vécu sur la terre. Puis Énoch ne fut plus parce que Dieu le prit. On s'arrête là. Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, chapitre 11, verset 5. Lisons ce que ça dit. Verset 5 du chapitre 11 d'Hébreux. Qu'est-ce que ça dit? Hébreux, vous pouvez m'aider, c'est après quoi? Je sais plus là. Courage, voilà ma soeur. Comment? Timothée. On a Ah oui. lu Timothée tout à l'heure, là. Continuez après tout ce temps. Oui. Ça dépend de quelle disposition vous avez la Bible. Si vous avez la Bible, on a bouleversé les choses, c'est votre problème. Hébreux, combien, s'il vous plaît? Chapitre 11. 11, verset 5. Ok, ça va. La sœur amie, toi-même lis le verset 5. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé de sang qui ne vit pas la mort. Écoutez, oui, parce que Dieu l'avait enlevé. Maintenant, écoutez bien ce que le Saint-Esprit ajoute. Allons-y. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Car avant l'enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Amen. Soulignez cela. Vous avez vu Car ça? avant l'enlèvement, avant son enlèvement, il Oui. avait reçu le témoignage qui est agréable à Dieu. Le cas que le Saint-Esprit a ajouté là-bas, je veux que vous m'expliquiez ce que ça veut dire dans la Genèse. Car le jour où Dieu venait prendre Énoch, le savait-il que Dieu viendrait le prendre? Est-ce que Enoch savait que Dieu venait le prendre pour qu'il ne soit pas sur la terre, qu'il ne passe pas à la mort? Oui, car avant, il a reçu un témoignage, non? De qui? De Dieu? Tu poses la question ou tu réponds? Il a reçu le témoignage de qui? Du Saint-Esprit? Non, C'est-à-dire non. qu'est-ce qui s'est passé par exemple? Dans la Genèse, nous lisons que tous les jours d'Enoch furent de 365 jours et il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé afin qu'il ne vit point la mort, n'est-ce pas? On s'arrête là. Lorsqu'on s'arrête là, ici, on nous dit car il reçut le témoignage, avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le témoignage dont il avait reçu ça de qui? Parce que Jean-Baptiste, par exemple, témoigne de Jésus, n'est-ce pas? La Bible déclare dans Jean chapitre 1 que Jean-Baptiste a paru pour rendre témoignage de la lumière. Lui-même n'était pas là, cette lumière-là. Donc Jean-Baptiste témoignait la lumière. Qui a témoigné quoi à Enoch qu'il était agréable à Dieu? C'est qui? Bon, Dieu, et puis les habitants qui l'observaient. Bon, ils observaient quand ils dormaient avec lui, ils savaient s'il volait dans la nuit. Vraiment, Dieu a rendu Dieu, son verdict. c'est le Seigneur. Oui. Voilà. Alors, mais souvent, en fait, le Nouveau Testament nous explique qu'il savait qu'il devait être enlevé parce que Dieu l'avait préparé à l'enlèvement. Bonne soirée. Voilà. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui seront enlevés Amen. Le savent et le sauront. Amen. Amen. Donc même si Methuselah disait que j'arrache pour moi par la foi, c'est son problème. Même si Vraiment. Methuselah, j'arrache par la foi, j'arrache par la foi. Il y a des groupes qui sont censés entrer plutôt dans l'âge pour être protégés. Il y a des groupes qui doivent plutôt sortir du feu pour être protégés. Il y a des groupes qui doivent plutôt sortir de la terre pour être protégés. On ne peut rien y faire. Bonne soirée, berger dans la sainteté. Amen. Je vous aime. Au revoir.